Émilie, Léa, Manu, Loïs et Olivier. Je rappelle donc l'album Tombé du ciel, c'est du bonheur, vous l'écoutez, ça vous met de bonne humeur. Et votre concert, ce sera le 28 juin. Ce sera au Sunset Sunside à Paris à 19h30. Et on sera là, merci Manu. Merci de nous avoir reçus. Et vous embrasserez tout le monde, c'était génial. Et vous nous avez rendu super heureux aujourd'hui. Et vous avez un talent fou, quoi. Voilà, merci vraiment à vous, on vous applaudit, c'est super. Je voudrais remercier également Sébastien qui est aux manettes de cette émission. Et Dominique Biera qui s'est occupé également du son. Dominique, merci. Plein de bisous. Voilà, on a fêté la musique avec vous, là, cet après-midi sur RTL. Et puis nous, on se retrouve évidemment demain à 15h. Éric Jean-Jean, je t'embrasse, je vous embrasse, pardon, je vous remercie. Et on se voit, et on vous écoute tout le week-end, Éric Jean-Jean, sur RTL. Merci vraiment. Et nous, on se retrouve évidemment demain, dès 15h. Tout de suite, voici Laurent Ruquier, les grosses têtes. Je vous embrasse, RTL. Il est 16h. Les informations avec Olivia Leray. Bonjour à tous, c'est un non catégorique. L'intersyndicale refuse la proposition du préfet de police de Paris d'un rassemblement statique place de la Nation jeudi contre la loi travail. Les syndicats rappellent que manifester est un droit constitutionnel et que c'est à l'État d'assurer la sécurité de toutes les manifestations sur la voie publique. Ils proposeront un itinéraire alternatif dans l'après-midi. L'ancien ministre Edgar Pisani est décédé. Il officiait sous Charles de Gaulle et François Mitterrand. Il avait 97 temps. Le dossier du Bugalet de Braise est clos. La Cour de cassation a validé le non-lieu dans l'enquête sur le naufrage du chalutier breton dans lequel 5 marins ont péri en 2004. Impossible de déterminer les circonstances du drame. Entre l'Euro de football ou encore le temps mitigé, il nous reste une petite place qui va faire du bien aux oreilles. La fête de la musique a déjà commencé un peu partout en France. Près des Halles, dans le premier arrondissement de Paris, Marion Ferrer, vous êtes avec un groupe de Picards amateurs. Oui, le groupe Libido. Alors, ce sont 4 copains musiciens passionnés. Ils font de la musique depuis plus de 15 ans et ils sont très impatients de commencer leur concert ce soir. C'est la première fois qu'ils sont à Paris pour la fête de la musique. Pour moi, on va pas s'arrêter de vivre. Je pense que c'est la crainte, c'est que on soit obligé de se taire chez nous. Et puis, faut vivre avec, quoi. La musique, ça sert à ça, la musique. Oui, important d'être là ce soir pour aller contre les événements des derniers mois, pour remonter le moral à tout le monde et pour se changer les idées. Alors le groupe là est en train de finir de monter sa scène. Le concert débute à 19h, il n'y aura que des compositions du groupe et ça va se finir très tard dans la soirée. Marion Ferrer qui sillonne la capitale avec la moto RTL. Euro de football, 4 matchs au programme aujourd'hui. Irlande du Nord-Allemagne, Ukraine-Pologne à 18h, à 21h, Croatie-Espagne et République tchèque-Turquie. Votre rendez-vous pronostic avec Thibaut Geffrotin. Bonjour Thibaut. Bonjour Olivia. Bonjour à tous, on joue avec l'affiche la plus alléchante de la journée, Croatie-Espagne en direct sur RTL à 21h. Évidemment, en jeu la première place du groupe D. Après 2 journées, l'Espagne est en tête avec 6 points, c'est 2 de plus que la Croatie. Je vous donne les cotes: 2,05 pour la victoire de l'Espagne, 3 pour le match nul et 5,10 pour le succès de la Croatie. Les cotes évidemment sont sujettes à évolution. Vicente Del Bosque pourrait aligner le même 11 qui a brillé face à la Turquie. Une victoire 3-0 avec un doublé de Morata et un but de Nolito, les attaquants qui se sont montrés à leur avantage pour l'équipe d'Espagne. En revanche, côté croate, gros hic, la blessure de Luka Modric, le milieu du Real Madrid et stratège de la sélection à Damier. La Croatie qui a impressionné dans le jeu depuis le début de l'Euro, mais qui a perdu 2 points très importants face à la République tchèque. Il menait 2-0, score final 2 partout. On attendra beaucoup de Rakitic ce soir, qui aura les clés du jeu croate. Prochain rendez-vous pronostic à 17h, on parlera de République tchèque-Turquie. Retrouvez les paris sportifs sur RTL avec Winamax, site de paris sportifs en ligne. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. Les courses aujourd'hui sont à Dieppe, on y rejoint Bernard Glace. Avec un rappel bien entendu de l'arrivée du quintet Olivia, le numéro plus 1002 et la bonne combinaison, le 8, le 14, le 7, le 11 et le 2 des outsiders. L'arrivée et les rapports de la 6e épreuve, c'est le 5 Alayas qui s'impose 4,10 et 1,60. Devant l'As Sandy Kay, 2 euros et le 4 Tiger Sea, 1,50, 4e place pour le 3. Et puis la 7e, il y avait 3 non partants, le 8, le 12 et le 13. C'est l'As Undred Acre qui l'emporte, 3 et 1,80. Devant le 5 Ronchois, 2,90 et le 11 Singapour Post, 80 placés. Quatrième, le 2, suite et fin de ses arrivées dans un peu plus d'une heure. À tout à l'heure, Bernard. Le temps reste bien gris et humide pour votre soirée avec la fête de la musique, alors qu'au sud, c'est l'été. 32 degrés à Toulouse, 30 à Marseille, plus haut, 23 degrés à Nantes et à Paris. Vous êtes sur RTL, il est 16h04, tout de suite, les grosses têtes de Laurent Ruquier. RTL. Bonne route avec Top Garage, 800 professionnels pour l'entretien de votre auto avec la garantie constructeur préservée. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui, à chaque fête de la musique, a beaucoup fait pour le double vitrage, Ariel Dombal. Une grosse tête qui est à la rue, même quand elle ne chante pas, Chantal Latsou. Une grosse tête pour qui c'est tous les jours la fête de la musique, Christophe Villers. Bonjour. Une grosse tête qui, chaque 21 juin, hésite entre les solstices de Francfort ou les solstices de Toulouse, Bernard Mabille. Bonjour. Une grosse tête qui, si courir derrière un train était une discipline olympique, serait médaille d'or, Titoff. Une grosse tête enfin de retour de sa tournée debout sur scène. Il revient s'asseoir un peu rue Gaillard, Baptiste Le Caplain. Ouais. Bonjour. Oui, autant vous dire, les choses ont un peu changé, voire beaucoup changé ici, ouais, Baptiste. Je sens des changements de statut. Là. Ah oui. Chantal en fait beaucoup trop pour se faire remarquer. Ah bon, c'est trop. Elle est énormément jalouse d'Ariel Dombal. Ouais. Parce qu'Ariel est un peu devenue la patronne. C'est la patronne. Ah oui. Ça sent. Vous la connaissiez déjà ? On s'était croisés à une soirée. J'animais une soirée de beauté star. Voilà. Ariel était venue remettre un prix de beauté. Elle avait été illuminée la soirée. À qui elle a remis un prix de beauté ? Oh, je sais plus. Chantal était là aussi ? Non, Chantal. Beauté star, c'était pas Boudin star. Eh ben merci, ma vieille, alors. C'est de l'amitié, Chantal. Mais non, mais je sais. D'autant que j'ai une très belle photo de Chantal Latsou dans la presse ce matin, je dois c'est dire. C'est vrai, vous Chantal. L'avez vu. Ah oui, je suis très fière. En fait d'hiver. Page 33. Page 33 de quoi ? Page 33. Rubrique fait d'hiver. Un violeur renonce. Quant à Titoff, alors il faut quand même le rappeler, parce que quand je prépare évidemment ces petits textes de début d'émission, je me dis pourvu qu'il arrive en retard, et paf, il est effectivement arrivé pile au moment où la phrase était prononcée. Ben ouais, vous avez vu ce que je fais pour l'émission. Il n'y a rien à faire, hein. Vous n'arriverez jamais à l'heure. C'est-à-dire que tout est relatif. Qu'est-ce qui s'est passé encore aujourd'hui ? Alors, je suis parti de chez moi à la même heure que d'habitude, voilà. C'est-à-dire en retard, ouais. Et je suis arrivé en retard. On n'a pas dit, en fait, pourquoi Chantal Latsou était dans le journal ce matin. Hein. Ah oui, quand même, c'est important. C'est parce qu'elle va tourner dans le prochain Claude Lelouch. Ah, oui. Faut le dire. Avec Hallyday, dis donc. Merci beaucoup, oui. Jean Dujardin. Avec Jean Dujardin et Johnny Hallyday. Oui. Mais à la base, je crois que Lelouch voulait Renaud, le chanteur, et puis finalement, il n'était pas disponible. Et il a pris Chantal à la place. Mauvais, alors, va te coucher. Hein. Est-ce que tu as une scène avec Hallyday ? Non, j'ai pas de scène avec Hallyday, mais je vais me démerder pour en avoir une. Méfiez-vous, parce que c'est un coureur, Johnny. Hein. Je sais, oui. Il va moins vite quand même. Hein. Ouais. J'avais été voir son concert, il n'avait pas défait les yeux de moi, si vous voulez. C'est pas vrai. Ah oui, enfin, j'avais pas mes lunettes, mais j'avais l'impression qu'il me regardait tout le temps. Ah, il vous regardait tout le temps. Ouais, et depuis, il a la même coupe de cheveux que toi. T'étais dans le prolongement du prompteur. Hein. Peut-être qu'il était en train de chanter « C'est la fin du voyage ». Non, mais il y a beaucoup d'événements aujourd'hui qui se passent, en ce qui me concerne, pour ma personne personnelle. Ah oui ? Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Parce qu'il y a la reprise de Nelson. Ah, au théâtre. Oui, il y a oui, bah, ça, on s'en fout. Alors, il est temps de passer à une première citation. Ariel, vous êtes d'accord? Oui. J'ai un peu de mal. Vous devez m'aider. Vous savez, vous êtes la patronne c'est maintenant. Vrai, c'est vrai, c'est vrai. Vous devez m'aider à animer cette émission. Voilà. Qu'est-ce que je dois faire là maintenant, alors, Ariel? Eh bien, toujours avec l'effervescence qui vous caractérise. Oui, oui. On se dirait sur Radio Courtoisie. Voilà qu'elle me prend pour Anna Kassel-Zer. Avec l'effervescence. Et alors, donc, ce qui est très étonnant avec Laurent, c'est qu'il est très, très en avance sur nous tous. Vous savez, nous, on est encore comme ça à essayer d'avoir une petite pensée, une seule. Et lui, il est déjà dans les sphères. Bon, vous savez pas ce que je dois faire maintenant, alors. Donnez une première citation pour Madame Laure Douayère, qui habite Miremont, en Haute-Garonne, qui a dit « La différence entre un ouvrier et un intellectuel, c'est que l'ouvrier se lave les mains avant de pisser et l'intellectuel après. » Coluche. Non. La CGT. C'est Monsieur Martinez. Si en plus... C'est Monsieur Martinez. Si en plus elle est drôle maintenant, alors là... Alors là, c'est foutu, oui. C'est des proches ? C'est pas des proches. Mais c'est un rigolo comme ça. Hein. Un rigolo, ça, je sais pas ce qu'on peut dire ça. Un homme qui a de l'humour. Un homme qui avait de l'humour, ça, c'est sûr. Ah, il est mort. Bon, ça, il est mort en 77. Ah, à Ormonville-la-Petite, c'est dans la Manche. Hein ? Ormonville-la-Petite. Il est originaire de cette région ? Ah, alors, il était né à Neuilly-sur-Seine, mais il est mort à Ormonville-la-Petite, dans la Manche. D'accord. Il est mort âgé ? Oh, il est mort, il avait, je vais vous dire exactement, 77 ans. Il était écrivain. Ah, écrivain, on peut dire, mieux même. Il faisait de la politique. Mieux qu'écrivain. Poète. Prévert. Jacques Prévert, bonne réponse de Bernard Mabille. Dans un instant, retour des grosses têtes avec Laurent Ruquier sur RTL. Bonjour, c'est Stéphane Carpentier. 4h30, 7h, RTL Matin. Tout savoir sur l'actualité, mieux comprendre les débats qui animent le pays, découvrir les tendances qui vont changer notre quotidien. Je vous retrouve tous les jours dès 4h30 avec la fine équipe et Marina pour les petits matins de RTL. Un seul mot d'ordre, la bonne humeur, grâce notamment à notre bloc-notes quotidien pour bien démarrer la journée. Quel faillot, ça, Cyprien. Merci. Oui, il est gourmand. Il a raison. Rendez-vous demain de 4h30 à 7h sur RTL. Brico Dépôt vous présente les deux mots du jour. Carrément solde. Produits soldés. Nettoyeur performant. Grosse pression. 150 bars. Super affaire. 99 euros. La qualité, le prix. Brico Dépôt, l'essentiel en deux mots. À partir du 22 juin dès 7h, profitez des soldes Brico Dépôt avec des remises exceptionnelles. Le nettoyeur haute pression 150 bars 2200 watts moteur induction est à seulement 99 euros au lieu de 139 euros. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Liste des dépôts participants sur bricodépôt.fr. Et c'est la suite des grosses têtes de Laurent Ruquier et Ariel Dombal. Une question pour Mathieu Chilou, si je ne vous dérange pas, Chantal Latsou. Non, au contraire, je suis très contente d'être là avec vous. Oui, vous êtes en train de tripoter, monsieur Willem. Mais je tripote, oui. Mais oui, oui. C'est très agréable. C'est important à côté de moi, j'en profite pour le toucher. Mais enfin, quand même. Je le vois qu'à la télévision. Ah oui? Ah oui, je touche Christophe Willem. Eh ben non, il va s'amuser, Johnny. Tu peux me toucher aussi, si tu veux, t'auras touché Latsou. Je vois pas pourquoi il vous toucherait, il sait pas lire du braille. Bon, donc je peux la poser, ma question. Allez, oui, on écoute. Alors, attention. Laurent, c'est très facile. Hein. Je compte beaucoup sur Bernard Mabille pour la réponse. Pas forcément sur les autres, mais Bernard Mabille, lui, devrait connaître la réponse. Oui, c'est très facile. Ça veut dire que c'est très facile pour Bernard Mabille. Ça va être une question de bouffe. Pas du tout. Mais c'est un nom qui revient assez souvent dans la presse ces jours-ci. Et quand même, j'aimerais rappeler aux auditeurs, à travers cette question, qu'il était physicien, médecin français... Et surtout qu'il avait découvert le principe de la radioconduction et même celui de la télémécanique. En gros, c'est un des précurseurs de la radio. De qui s'agit-il ? Philippe Bouvard ? Non. Non, son nom revient dans les journaux régulièrement ces temps-ci. Monsieur Wonder. Comment vous dites ? Monsieur Wonder. Monsieur les piles. Wonder, les piles. Les piles. Eh oui. Qu'est-ce que c'est ? La radio. Sans piles, il n'y a pas de radio, Laurent, exactement. C'est logique. Bien sûr, et Marcel Leclanché, tant que vous y êtes. Jean-Jacques Antenne. Sylvie Vartan. Non. Mais Non, écoutez, là, vraiment, la question est facile. Je Edison. Comment? Edison. Edison, non. Il est une échelle, il est une échelle. Un Français né à Amiens, mort à Paris, physicien, médecin français. Il a découvert le principe de la radioconduction et celui de la télémécanique. C'est un des précurseurs de la radio et on lit son nom dans les journaux à peu près tous les jours en ce moment. À cause de la météo. Un dentiste. Hein, quoi? Un dentiste. Un dentiste. À cause des bridges. Quoi? À cause des bridges. Si, on regarde de la radio. Mais quoi, son nom est devenu un nom commun? Non, mais en fait, c'est pas, il y a quelqu'un, c'est pas lui, c'est le même nom. Il a un homonyme. Il a un stade, il a un stade. Non, il n'a pas un stade, mais c'est vrai que son nom revient dans les journaux indirectement. Payet. Payet. C'est Payet qui a inventé la radio. Ben non, mais son nom revient régulièrement. Ah oui. Benzema. Non, non, non, rien à voir avec le football. Rien à voir avec le football. Vous avez posé une question intéressante, monsieur. Pour une fois, monsieur Villem. Vous dites que son nom est devenu un nom commun utilisé, détaché d'un nom de quelqu'un. Comme Frigidaire, par exemple. Voilà, ça c'est intéressant comme question. Et la réponse c'est non. Ah. Mais c'était une bonne question. Ah, il t'a piégé. Est-ce que ce ne serait pas le nouvel avion qui marche à l'énergie solaire. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Ben, radioconducteur, ça veut dire, ça veut dire, oui, le sélénium. Regardez comme elle est belle quand elle réfléchit. Elle a un stylo dans la main, ses lunettes dans l'autre. Puis est-ce que ça ne serait pas un avion? Alors attends. Mais c'est très important. Il y a quelque avion. Chose de, hein, on a l'impression. Un stylo dans la main, ses lunettes dans l'autre. Où a-t-elle mis la pince à sucre? Qu'est-ce que t'es snob, ma petite arrière? Non, mais il y a cet avion. Mais j'adore, c'est tellement beau à voir. Cet avion qui traverse l'Atlantique pour la première fois. Ah, la patte stagiaire, là-dedans. C'est très intéressant, je trouve qu'on devrait en parler. Mais ben non, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Alors c'est pas en rapport avec la météo, Laurent. Avec la météo, non. Non. Transistor ou un mec comme ça. Ouais, ouais, ouais, ouais. Non. Albert Transistor. Monsieur Morse, non. Pardon. Monsieur Morse. Monsieur Morse. Monsieur Morse, il est dentiste. Bon, écoutez, vous connaissez tous son nom, franchement, je vous jure. On va pas donner 300 euros pour ça. Mettez-nous sur la piste. Mais oui, Laurent. Ah, non, ça non, commence non. Par quelle lettre? Ah, bah non, non, oui. Non. Oh bah. L'inventeur de la radio. Et c'est vrai que ce matin, je me suis dit, tiens, son nom revient tout le temps. Qui ça y est, gramophone. Mais non. Eu un monsieur gramophone. Hein. Non, mais là, écoutez, je vous dis que son nom est dans la presse tous les jours. La voix de son maître. Galen. La voix de son maître. Galen. Mais non, non, écoutez, franchement. Bon, bah, 300 euros. Je fais le chèque. Dans la presse tous les jours. Oh. En ce moment, oui, je vous jure, il n'y a pas une journée dans un magazine. Dans grève. Grève, mais non. CGT. C'est-à-dire que c'est lui qu'on cite. Pardon. C'est lui qu'on cite ou son casseur, nom. Casseur. Non, son nom a été donné à quelque chose qui fait qu'on finalement, vous voyez, on a oublié qui c'est. Je m'aperçois que vous avez oublié qui c'est. Tout à l'heure, j'ai dit. Pardon. J'ai dit ce que son nom est et s'est détaché de la personne. Ah non, vous m'avez dit est-ce que c'est devenu un nom commun, ce qui n'est pas le cas. Rien à voir, Willem. Effectivement. Bien sûr. Necker. Ah voilà, ça c'est intelligent. Oh merci. Bravo. Mais Necker, vous voyez, c'était un ministre. Ça n'a rien à voir avec la radio. Monsieur Transistor. Monsieur Transistor, non. Eh ben écoutez, Monsieur voilà. Monsieur Brexit. Qu'est-ce que vous dites? Monsieur Brexit. Monsieur Brexit. Monsieur Brexit. Un genre comme ça. Édouard Branly, évidemment. Oh. Ah, le Quai Branly. Édouard Branly. Et qu'est-ce qui s'y passe au Quai Branly? Eh bien, c'est Monsieur Chirac qui a voulu le musée des arts premiers au Quai Branly. C'est le dixième anniversaire du musée Branly, musée des arts premiers. Et à chaque fois, c'est vrai qu'on entend parler de Branly sans savoir exactement qui est Édouard Branly. Je me suis dit, tiens, Est-ce que Strauss-Kahn a été invité? Non, mais vous connaissiez Branly. Ah bah oui, bien sûr. Ah bah oui. Je l'ai encore fait ce matin. RTL, les grosses têtes, Laurent Ruquier. Disney et Pixar présentent le monde de Nemo. Dory! Ah oui, pardon, le monde de Dory. Le poisson à la mémoire défaillante revient au cinéma pour une aventure inoubliable. De quoi on parlait déjà? Qu'elle oubliera sûrement. Ah, j'ai mal à la tête. Le monde de Nemo. Dory! Le monde de Dory. Laissez-vous surprendre par la nouvelle pépite signée Pixar. Elle a la tête dans un gobelet. Le 22 juin au cinéma. Avec RTL. Lidl, Meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, patron. C'est quoi cet écho ? De l'écho ? De l'écho ? Et comment qu'il va y avoir de l'écho ? Dès demain chez Lidl, ils font la bouteille de 70 centilitres de Génépi des Alpes, saveur de nos régions à 12,99€. Quoi ? La bouteille de Génépi des Alpes à moins de 13€ chez Lidl ? Oui, et 12,99€, c'est le vrai prix. Et un produit saveur de nos régions, patron, hein ? Très bon, on est mal. Très mal, très mal, très mal. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Plus d'informations sur Lidl.fr. 18,56€ le litre, 30 degrés. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. C'est un très très beau cadeau que vous offre RTL et les grosses têtes. Un week-end prestige pour deux dans un hôtel prestigieux. Ça, c'est la petite récompense que vous aurez, à condition de dégainer le premier la bonne réponse à la question posée par Laurent Ruquier à vous et à ses grosses têtes. Et donc, pour vous inscrire à ce face-à-face terrible, RTL.fr. RTL. Une question. Les auditeurs face aux grosses têtes. Bonjour Élodie. Élodie a 32 ans. Elle habite au Montélier dans l'Ain. C'est bien ça ? Oui, bonjour Laurent. Bonjour les grosses têtes. Bonjour, bonjour Élodie. Vous auriez trouvé, vous, Édouard Branly, Élodie ? Non, j'aurais pas trouvé. N'aviez jamais entendu parler de Branly ? Si, le Quai Branly, si. Ah, le Quai Branly, mais pas Édouard. Ouais. Non, pas Édouard. Et c'est pourtant grâce à lui que je suis en train de vous parler, Élodie, vous voyez ? D'accord, non, je ne savais pas. Pourtant, ce matin, j'ai étudié la presse, mais j'ai pas vu ça. Et oui, parce que c'est que vous avez envie de gagner, Élodie. Voilà. Et oui, elle s'est perdue, Élodie. Elle est parisien, page 33. Oh non, écoutez. Enfin, ramenez pas toujours tout à vous, Chantal. Oui, j'adore. Élodie va peut-être partir au château de Pizet, un hôtel 4 étoiles, au cœur du Beaujolais. Une suite duplex vous attend, le magnifique spa Aquasens. Allez voir sur châteaupizet.com, Élodie, et vous en saurez plus sur votre magnifique séjour. Un séjour pour deux, évidemment, et vous pourrez profiter du petit déjeuner et de la suite duplex pendant deux nuits. D'accord ? D'accord. Un petit message à faire passer à des amis, de la famille, une voiture à vendre ? Alors, oui, à mon papa, parce qu'effectivement, il vous écoute tous les jours dans sa voiture, et je ne lui ai pas dit que je participais aux grosses têtes aujourd'hui, donc c'est une surprise. Alors papa, gros bisous, voilà. Le choc que ça va lui faire. Oui. Vous êtes sympa les grosses têtes, vous me laissez gagner. En plus, c'est pas loin le château de Puisay, hein. C'est pas loin de chez moi. Ah bah oui, et vous n'y êtes jamais allé en plus. Non, jamais. Alors je vais peut-être vous offrir une rose, mais quelle est la particularité, attention, on laisse 10 secondes à notre auditrice. Pardon ? Elle est bleue. Une rose bleue ? Expliquez-moi, Élodie, vous avez gagné. Il y a quelqu'un qui a fait des études là, sur une rose. Il va y avoir la toute première rose bleue pour la Saint-Valentin ou la fête des mères. On a vu des rouges, des bleus. Enfin, c'est dans aujourd'hui, c'est dans le Parisien aujourd'hui. Vous avez gagné. Ben, n'envoyez pas sur les roses. Donc. Vous avez gagné, effectivement, Élodie. Merci. Alors, jamais il n'y avait eu de rose bleue. C'est faux. Comment c'est ça ? C'est faux parce qu'il y a déjà eu une rose bleue. Dans Avatar. Non, les rosiers Mayan. Et c'est la rose générale de Gaulle. Tu as ta rose. Et donc, moi j'ai ma rose. Moi j'ai ma rose plantée à Bagatelle. Chantal ne l'a pas encore. Et voilà. Si, moi j'ai ma rose, j'ai un chrysanthème, moi. Elle est où votre rose, si j'ose dire, Ariel ? Alors, ma rose est... Ça devient chaud sur la tête. Elle est encore en bouton. Il est où ton petit bouton de rose, alors ? Non, alors, elle est couleur aurore. Oui. Oh, désespoir. Aurore, et alors donc, ce n'est pas moi qui l'ai choisie. Mais c'est une rose buisson. Elle est plantée à Bagatelle. Et elle a déjà 2,30 m de haut. Parce qu'elle est... Je crois qu'elle confond avec un bambou. Elle est multifloraison. Les feuillages sont d'un vert intense et elle est anti-puceron. Ah oui, mais elle n'est pas. Elle n'est pas bleue. Voyez votre rose. Elle est auto-nettoyante. Tandis que la rose de Norbert, là, dans l'Aude, hein, passionné par les plantes, dit qu'il a réussi à la faire naturellement bleue. Quel est l'intérêt ? C'est comme si on faisait des œillets roses. L'œillet est bleu. Mon cher Bernard, oui, nous n'en sommes pas aux fleurs et aux légumes transgéniques. Elle va m'engueuler. Mais... elle va m'engueuler en plus. Et voilà. Ah, parce que là, elle t'engueule. Et donc, il y a toujours eu ça, de vouloir améliorer la nature, de faire des hybridations pour que les fleurs ils soient t'ont raté, belles, toi. Multiples. Et c'est pas gentil, ça. Monsieur le plaisant. Oh, regardez le gros cochon qui est là-bas. Ouh, ouh, c'est guignol ici. Ouh. Et la gentille petite rose à côté. Elle est au contraire très populaire, ma rose Ariel Dombal, plantée dans de nombreux jardins. Elle a l'air bonne à fumer, en tout cas. Et les gens sont très satisfaits. Et elle résiste aux intempéries. Vas-y, continue Bernard, envoie-lui des trucs, vas-y, j'aime bien. Et donc, non, mais Bernard, tout ça pour reprendre le règne végétal, ben oui, on essaye d'avoir les plus beaux spécimens. Vous êtes toujours là, Élodie. On les laisse parler entre eux. Oui. Vous allez partir. J'écoute. Vous allez partir. J'écoute. Et oui. je voulais justement mettre des roses dans mon jardin. Donc je crois que je vais mettre des roses à Dombal. C'est mignon, Élodie. Je vous embrasse. Ah ouais. Ça me fait super plaisir. Oh là là. Zéro maternel. Quelle couleur la rose, Ariel? Elle est aurore, donc elle a un cœur jaune et le bout des pétales un rose palichon qui après devient un peu plus orangé comme les aurores. Elle a un seul défaut, elle sent la merde. Que c'est méchant. Ça c'est bon. C'était pas pour vous que je disais ça, Ariel. C'était pour... Oui, mais comment dire, elle a un petit peu pris pour elle. Mais oui. Oh, je disais pas ça pour vous, Ariel. Surtout que vous m'avez dit que vous aimiez tellement mon parfum, le secret d'Ariel. Ah bah oui, mais il n'a rien à voir. Vous en avez fait l'éloge. Il n'a rien à voir avec votre rose, Ariel. Non. Mais tu vends quoi? Ton parfum, des roses, et puis quoi encore? Bah, elle vend sa lessive aussi. Hein. Vous écoutez les grosses têtes souvent, Élodie? Oui, j'essaie. Je vous ai suivi, en fait. Je vous écoutais déjà sur l'autre station. Ah. Et comme je vous aime beaucoup. Vous voulez qu'on vous offre une montre Europe 1? Château de Pizet. Vous allez aller au château de Pizet grâce à RTL et aussi grâce à Ariel Dombal qui s'est retenu car il savait évidemment qu'il y avait une rose bleue qui venait de naître dans l'Aude de façon naturelle. Ça quand même que vous ne m'avez pas laissé le temps de dire parce que des roses bleues, rouges, vertes, ça évidemment qu'il y en a parce qu'on peut colorer tout ce qu'on veut. Hein, mais sauf que là, lui, Norbert, dans son pays, là, dans sa région, dans l'Aude, il a réussi à faire une rose bleue de manière naturelle en y greffant des bourgeons de sauge. Attention, hein, il y a certains jardiniers qui disent que ce n'est pas vrai. Il y a des spécialistes de roses qui ne le croient pas. Ils pensent que la nuit, un peu comme ils ont fait pour la pelouse de Lille ce week-end, ils ont repeint en vert la pelouse à Lille. Ils pensent que la nuit, Monsieur Norbert, là, il repeint sa rose. Pensez-vous? Vous savez qu'il y a un mot très joli. Pour le jardinage, quand justement il y a non pas une hybridation, mais une espèce de une plante qui fait comme ça, qui touche la terre, et il y a une nouvelle plante. Ça s'appelle marcottage. Ah, ou prendre un LSD. Ouais. Marcottage. Oui. Mais quel rapport avec. Mais c'est pour. Vous me dites hybridation. J'ai rien dit. Mais c'est vous qui avez dit hybridation. Ah bon, alors vous avez parfait. Vous avez parlé des greffons. Oui. Mais tout ça, c'est des mots savants c'est de jardinage. C'est et le marcottage aussi. Greffon, marcottage, il faut connaître tout. Elle connaît tout. Hein. Ah oui, oui. Ah, c'est toi qui écris les bouquins de ton mari, non? Vous cherchez une complémentaire santé pour maîtriser votre budget à la retraite? Avec AXA, profitez de 7 formules personnalisables et sans limite d'âge pour optimiser votre budget. Même si vos besoins changent à la retraite, vous serez toujours vous et toujours bien protégé avec AXA. Rencontrez votre conseiller AXA ou rendez-vous sur AXA.fr. Ne bougez pas. Laurent Ruquier et les grosses têtes reviennent dans un instant sur RTL. Vous allez où, vous, pour changer vos pneus? Sur Internet ou chez un pro? Moi, je vais sur Internet et chez un pro. Et hop, popgum.fr. Sur popgum.fr, je choisis mes pneus parmi les grandes marques, je paye tout en ligne et je prends rendez-vous chez un pro pour le montage. Et hop, popgum.fr. Mon petit truc en plus, cliquez sur promo pneus et profitez des pneus à prix canon. Popgum.fr. Le spécialiste du pneu de marque à prix Internet. Popgum.fr. Simplifiez-vous le pneu. Quand on est un vin du Val-de-Loire et que l'on voit la vie côté rosé, alors tous les mariages sont acceptés. Cabernet d'Anjou, c'est l'alliance réussie de notre onde et acidulée avec des recettes apéritives aussi bien sucrées que salées. Alors vous aussi variez les saveurs et osez un Cabernet d'Anjou salade de fruits pour voir sa robe rose, framboise, tournoyée ou un Cabernet d'Anjou verrine de saumon pour goûter à ses reflets saumonés. Avec Cabernet d'Anjou, il y en a vraiment pour tous les goûts. Vin du Val-de-Loire, tous les vins sont dans sa nature. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Jusqu'à 18h sur RTL, Laurent Ruquier, le jardinier, cultive l'humour avec Christophe Willem, Bernard Mabille, Ariel Dombal, Ilia Chantal Latsou, Titoff et Baptiste Le Caplan. Une question pour Fanny Jex qui habite Saint-Louis dans le Haut-Rhin. On nous annonce dans la presse ce matin, et plus particulièrement d'ailleurs dans le Parisien, la sortie prochaine d'une nouvelle comédie musicale sur scène, attention. Je sais. Hein. Eh oui, les choristes. Ouais, bah, d'accord. C'était pas la question, oui. Chantal. Non, ouais. Elle y a cru un instant. Hein. Non, ça, quand même, je suis pas con au point de vous poser une question juste sur le titre d'un article, Chantal. Mais voyez. Si, pourquoi pas. C'est un peu plus compliqué que ça, les grosses alors, têtes, allez-y. Tout de même. Hmm. Les choristes sera donc une comédie musicale adaptée du célèbre film de Baratier. Évidemment, film que de nombreux Français ont vu, hein, ça a été un record de nombre de téléspectateurs à l'époque, il a été diffusé depuis sur toutes les chaînes de télévision. Christophe Baratier a donc annoncé le spectacle musical sur scène des choristes pour février 2017 aux Folies Bergères. Alors dans les choristes, évidemment, il est question de Pierre Morange. Pierre Morange, vous savez, c'est le jeune garçon joué par... Jean-Baptiste Monnier. Jean-Baptiste Monnier. Et évidemment, Jean-Baptiste Monnier, à l'époque, jouait Pierre Morange enfant. Eh oui, bien sûr, bien sûr. Mais dans le film, on voyait aussi Pierre Morange adulte. Et qui est Pierre Morange adulte ? C'est la question. Voilà. Berléand. Ah bah non, c'est pas François Berléand, non. Alors, faut que ce soit quelqu'un qui puisse chanter aussi. Et Berléand, c'était le directeur tyrannique. Monsieur Rachin, vous voyez. Ah, monsieur Rachin, Cade. Cade Mérane, non plus. Cade, c'était le surveillant, le professeur de sport. Ah, je les ai tous bons, sauf le Gérard Jugnot. Gérard Jugnot, non. Gérard Jugnot, lui, c'était le nouveau surveillant, Clément voilà. Mathieu. Non, ça, je savais, c'est pour aider Bernard. Hein. Quelqu'un de connu, là. Hein. Ah, vous voyez, vous avez oublié. Thierry Lhermitte, non. Gérard Jugnot. Gérard Jugnot, non. Non. Alors, qui y a dans ce film très connu, déjà très ah connu. Oui, c'est dans le film. Ah oui, c'est dans le film, évidemment. Dans Les Choristes, vous avez évidemment le rôle de Pierre Morange, joué très par connu. Jean-Baptiste Monnier, enfant, hein, puisqu'il était enfant à l'époque. Et évidemment, l'histoire raconte le retour sur son passé de Pierre Morange, adulte. Et qui joue à l'écran Pierre Morange, adulte? Bernard Ménez? Non, pas du tout. J'ai pas vu. Il a quel âge dans le film alors? Ah bah il est plus vieux que quand il était enfant. Oui, bien sûr. Mais il a un certain âge alors. C'est-à-dire quelqu'un de la famille du réalisateur, pour tout vous dire. Ah oui, ah, Perrin. Ah, Perrin. Francis Perrin. Non, Jacques Perrin. Jacques Perrin. Bonne réponse de Chantal là-dessous. Ah si. Ah ben oui, c'est vrai. Ah si. Là c'était facile. Bah oui, c'était facile. Bah oui. Vous me dites Francis Perrin, mais Bernard. C'est son neveu, Jacques Perrin, bien sûr. Bah oui, mais Francis Perrin n'a rien à voir là-dedans. Je me suis trompé du prénom. Vous avez demandé le nom, pas le prénom. Oh, écoutez, n'exagérez pas. Mais il est gonflé. Il veut avoir une bonne réponse. Ah, ça pour être gonflé, il est gonflé. Oh, c'est facile. Oh là là là. Jacques Perrin, en tout cas, c'est bien lui qui jouait Pierre Morange dans Les Choristes. Les Choristes sur scène, ça va marcher. Moi, je pense que avec la fameuse chanson que tout le monde connaît, je me suis procuré d'ailleurs les paroles de cette chanson parce que je me suis dit qu'on pourrait peut-être faire le casting ce matin. Ariel chante. Pour savoir qui va chanter, évidemment, Voix sur ton chemin. Mais par contre, gardez chacun un texte, vous faites passer Chantal. Si vous voulez, je peux faire le prof, je peux faire Junio, moi, vous voyez. C'est dommage que Gérard soit pas là aujourd'hui, mais je pense qu'on peut commencer par Chantal. Voix sur ton chemin. Alors, non, c'est Chantal. Voix sur ton chemin, gamins oubliés, égarés, donne-leur la main. Pour les mener vers d'autres lendemains. Bon, bah alors écoutez, on va. Non. Donne-leur la main. On vous prend pas, Chantal. Pour les mener d'autres lendemains. Non, on vous prend pas. Monsieur Titoff. Au cœur de la nuit. Ta gueule. Monsieur Titoff. S'il vous plaît. Viens sur ton chemin. Gamin oublié, égaré. Donne-leur la main. Pour les mener vers d'autres lendemains. C'est mieux, bah, déjà. Ça, c'est mieux, Monsieur Le Caplan. Putain, on chante maintenant, grosse tête, c'est fou. Alors, vois sur ton chemin. C'est encore moi. Vois sur ton chemin, gamins oubliés, égarés. Tiens, j'ai trois pédophiles qui m'ont suivi sur Twitter. Sur scène, ce sera avec Jean-Luc Lahaye, d'ailleurs, il parlait. Ariel Dombal. Moi sur ton chemin, gamins oubliés, égarés, donne-leur la main pour les mener vers d'autres landes. Alors c'est bien, mais ce n'est pas le ton, c'est ça le problème. C'était bien, mais c'était une autre en chanson, cas, quoi. En fait. En tout cas, elle bourgeonne. Monsieur Willem, vous pouvez peut-être sauver l'honneur. Mais c'est ça, moi j'ai pas le droit de chanter. Moi. C'est dans les aigus, je sais pas s'il va y arriver. Alors attends. Moi sur ton chemin, gamins oubliés, égarés, donne-leur la main pour les mener vers d'autres lendemains. Ah, c'est bien, c'est ça. Eh oui. Comme quoi, hein. Allez, la version jumbo maintenant. Ah, Bernard. Allez, Bernard. Vois sur ton chemin, gamins oubliés, égarés, dis à Barbarin de les mener vers d'autres lendemains. Ah ben, c'est bien. Mais je m'aperçois que vous ne connaissiez pas l'air de cette chanson. Non, mais je vais Ariel. Le faire à nouveau. Vois sur ton chemin, gamins oubliés, égarés, donne-leur la main pour les sauver. Va falloir qu'on convoque les parents. Hein. Personne t'a demandé de bisser partout. Et d'ailleurs, je tiens à le dire, les choristes, normalement, on ne chante pas seul, on doit être en chœur. Donc maintenant qu'on s'est chacun entraîné, propose, et d'ailleurs je vais lancer évidemment le chœur, je propose qu'on le fasse tous en même temps. Ah, vous avez chacun votre texte, d'accord. Je l'espère, voilà. Oh, vous êtes prête, Ariel, cette fois. Oui. Attention, parce qu'on s'arrête toujours en plus au troisième vers. Non, parce qu'on ne sait pas la suite. Ce qui est très rare aux grosses têtes, généralement on va plus loin que le troisième vers. Ça s'appelle chanter en canon. Mais attention. Alors peut-être que Christophe pense, peut démarrer, il va nous aider évidemment. Donc parce le début, hein. Il connaît le ton, lui évidemment. Ah oui, Bernard aussi. Vois sur ton chemin, vois sur ton chemin, gamins oubliés, égarés, donne-leur la main pour les mener vers d'autres lendemains. Gamins égarés, oubliés, donne-leur la main. On va chanter avec le public. T'es en retard, on dirait Titoff. Mais c'est quoi l'air de la suite d'ailleurs? L'air de la suite, je ne connais pas. Mais moi non plus. Donne-leur la main pour les mener vers d'autres lendemains. Allez-y, il y a cœur 1, cœur 2 en fait. C'est voilà, c'est faut chacun un refrain, c'est une succession. Alors, faites, de... faites le cœur 2, monsieur Titoff. De toute façon, c'est au moment où vous arriverez. Donne-leur la main pour les mener vers d'autres lendemains. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une succession de cœurs, en fait. C'est en canon. Sans au cœur de la nuit, l'onde de l'espoir. Mais je crois qu'il y a un ordre de la vie. Est-ce que quelqu'un... Attends. C'est un massacre. Oui, monsieur Villain. Je crois qu'il y a un autre air à un moment. Je pense aussi. Un truc... C'est sûr que c'est pas la Marseillaise. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le public qui connaît la chanson qui pourrait nous aider? Non, personne n'est capable de nous chier. Il n'y a pas un petit choriste ici, hein? Viens voir tonton Laurent. Mais non. Il a des fraises tagada. C'est Jacques Martin qui faisait ça tout le temps. Des choses qu'on pourrait plus faire aujourd'hui. Jacques Martin aux grosses têtes, n'arrêtez pas de faire ça. Viens voir tonton Martin. Viens chercher les bonbons au fond de la poche. Il faisait ça tout le temps, Jacques Martin. Et les temps ont changé. Aujourd'hui, c'est fini. On peut plus rire de ça. Non, le sucre est mauvais pour les... pour la santé. Il y a deux cœurs. Cœur 1, cœur 2. Et en fait, ils se succèdent. Ah. Donc, on peut faire deux équipes si vous voulez continuer sur la chanson. Oui. On peut faire deux équipes. Oui. D'accord. Allez-y, alors. Cœur 1, cœur 2. Alors, moi, je me mets avec Christophe Willem. Moi aussi. Moi, je suis Ariel jusqu'au bout du monde. Alors, vous avec Ariel, on y va, Christophe. Nous, vous et Bernard, vous filmez, comme d'habitude. Les deux, je sors mon gros objectif. Les deux, oh mon Dieu, je vais gerber. Les deux, Christophe, on y va. Vas-y, trois. Vois sur ton chemin, gamin oublié, égaré, donne-leur la main pour les mener vers d'autres lendemains. Non, puis c'est la deuxième phrase. Donne-leur la main pour les. C'est dégueulasse. Donne-leur la main pour les mener vers d'autres lendemains. De la vie. Donc pour deux. On n'y arrivera pas. Sentier de putain, gloire, pour donner autant de mains, il faut prendre des gamins de Tchernobyl hein, pour la comédie musicale. Non, c'est pas possible. Ah oui. Tu vas faire un tabac. Oui, un tabac, mais sans nous, alors. Découvrez le Schmilblick et tentez de gagner 3000 euros avec l'indice bonus. Le Schmilblick rebondit. Retrouvez les trois indices précédents et répondez vite sur leschmilblick.fr. 2 euros la partie. Condition de remboursement sur leschmilblick.fr. Dans un instant, retour des grosses têtes avec Laurent Ruquier sur RTL. James Bond 007. L'exposition événement enfin en France. Aston Martin, costumes, gadgets, croquis, photos de tournage, objets originaux. Venez découvrir plus de 500 pièces exceptionnelles. James Bond 007, l'exposition. Actuellement à la Grande Halle de la Villette, à Paris. Avec TF1 et RTL. RTL présente The Illusionist, la nouvelle génération de magiciens. Pour la première fois en France, retrouvez les 7 plus grands magiciens du monde. The Illusionist, à Paris, aux Folies Bergères, à partir du 17 novembre. Soyez témoins de l'impossible. Location ouverte, un événement TF1, Le Parisien et RTL. Bon, la chorale des grosses têtes, avouons quand même, hein, c'est pas encore ça. Hein. Une question football pour Émilie Auger, qui habite Bonnat dans la Creuse. Dans cet Euro 2016, ils sont 7. Et parmi les 7, on a Joma et Erea. Mais de quoi s'agit-il ? Des buteurs ? Des buteurs, non. Dans des arbitres. Des arbitres, non. Des plus. Cartons rouges. Des cartons rouges, non. Des hooligans. Des hooligans, non. Bon, vous avez vu le hooligan qui est revenu, là. Le hooligan russe. Nargué. Il manquerait plus qu'il soit revenu avec Léonardin, on rigolerait bien. C'est un objet. Ils sont 7. Ils sont 7 dans cet Euro 2016. Des nains. Des nains. Ah non, tu Valbuena n'est pas sélectionné, madame. Elle confond avec le baby-foot. Ils participent à l'Euro. C'est un objet. Ils sont 7 dans cet Euro. Ils participent à l'Euro. Ils participent à l'Euro, oui, évidemment. Ils sont 7 dans cet Euro 2016. Et parmi les 7, il y a Erea et Joma. Ils ne sont pas européens. Comment ça, ils ne sont pas européens? C'est-à-dire qu'ils jouent l'Euro, mais ils ne sont pas européens. Ah, ce ne sont pas des footballeurs. Attends, ils sont pas des arbitres de touche. Des arbitres non plus. Ce sont des objets. Des objets, qu'est-ce que vous appelez des objets? Des objets. Des mascottes. Des objets de rue. Non. Des objets. Pas tout à fait des objets au sens objet. Ah. Mais on se rapproche. Des ballons. Des ballons, c'est non. C'est le nom de ballons. Non. Des tenues. Ah, expliquez. Ça y est, j'ai trouvé. C'est tous les maillots qui se sont déchirés lors du match. Alors là, non. C'est une exposition de maillots. Une exposition portée. De maillots des footballeurs les plus connus. Donc, c'est le nom des maillots. Erea, c'est l'équipementier de l'Islande, une jeune nation dans l'Euro 2016. Ouais. Puma, c'est la Suisse. Alors Puma, ils ont 5 équipes. Eh ben dis donc. En fait, voilà. C'est ça qui est intéressant. En fait, il y a que 7 équipementiers dans l'Euro 2016. Vous avez Adidas, qui est l'équipementier de 9 sélections. Nike. C'est eux qui en ont le plus, Adidas. Ouais, Nike, ils sont équipementiers de 6 sélections. C'est le deuxième équipementier de l'Euro. Le troisième, c'est Puma. 5 sélections. Et on a vu effectivement qu'il fallait qu'ils revoient un peu leur maillot parce que ils n'étaient pas solides. Moi, j'ai acheté des strings Puma l'autre jour, mais je sais pas ce que ça va devenir. Il y a quelqu'un, il y a un footballeur qui a dit heureusement qu'il fabrique pas des préservatifs. Oh, la vache. Comme quoi, en une heure, tout dégringole. Et après, vous avez Umbro, qui est... italien. Non, c'est pour l'Irlande, l'air, si vous préférez. C'est... Joma pour la Roumanie, Macron pour l'Albanie et Erea pour l'Islande. Voilà les différents équipementiers Macron. Sportifs. Macron ou Macron ? Macron. Mais Umbro, ça se prononce Macron, mais c'est écrit Macron, évidemment, sur le maillot. Umbro, on a vu ça l'autre jour. Mais Umbro, je suis presque sûr que ce soit une marque italienne. Oui, ça peut être, mais c'est pas une marque qui supporte l'Italie. Non. Ce sont les Irlandais qui ont cet équipementier, monsieur Titoff. Il y a Kappa aussi. Mais justement, dans Adidas, et ce sera la question suivante. Oui. Une Question pour Solène Le Goff, qui habite Landéda, dans le Finistère. Dans la marque Adidas, que veut dire Adi? Adi. C'est un nom. C'est le nom du créateur. C'est le prénom du nom. Addiction. Non. Ça doit non. C'est le prénom du créateur. Et quel était donc le prénom du créateur? Adolphe. Eh oui. C'est le diminutif d'Adolphe. Bonne réponse de Titoff. Comment t'as trouvé ça? Je savais. Je le savais. En effet, Adidas a été créé par Adolf Hitler. Non, Adolf Dassler. Ouais. Et évidemment, le diminutif d'Adolf, ses parents l'appelaient Adi. Donc, Adi Dassler. Adidas, c'est ainsi que la marque est née, voyez-vous. C'est intéressant de savoir qu'Adi, c'est le diminutif d'Adolf. Bien sûr. C'est super intéressant. Si jamais il revenait Hitler, autant sympathiser avec lui directement. Et lui dire, alors mon petit Adi, comment ça va? Vous saviez ça, Ariel? Non. Vous avez un diminutif? Par exemple, le diminutif d'Ariel, c'est... Non, mais à Mexico, on m'appelait parfois Cocoline. Mexico. Je vois bien. Ou le Rancho Grill, arrêtez. Je vois bien quel moment on vous appelait Cocolina. Cocolina, Tex-Mex. Je vais te trouver, Cocolina. Cache-toi mieux. C'est mignon, je trouve. Permettez que de temps en temps, je vous appelle Cocolina. C'est poulette, en fait. Oui, ça veut dire petit poussin mignon. Voilà, c'est ça. Oh, Cocolina. Au Brésil, on l'appelait Roberto. Ça veut dire petit Robert sympa. Et vous, Chantal, vous avez un petit diminutif comme Adolphe a dit, moi, voyez. On m'appelait Scrooge. Scrooge. Ouais. On dirait le nom de la bestiole dans l'âge de glace au début. Encore un truc pour emmerder Isabelle Mergo. Pourquoi Scrooge? Et non, ça fait un peu nettoyage de Paris. Quoi? Oh, la patronne stagiaire là. Et vous, Bernard, votre femme vous appelle Nanar? Non, mais ma maman m'appelait Nanou. Nanou. Attendez. Tu vois, c'est un surnom qui tirait plus maintenant, quoi. C'était le nom Nanou, reprendre la piémontaise pour ton goûter. Qui était le nom d'un petit Esquimau dans un film d'un... Eh ben dis donc, faut un gros bâton. Où salissait même ma mère. T'imagines un peu le igloo qu'il faut faire. Et vous, Baptiste, alors? Moi, c'était Babi. Babi. Babi. Et vous, Christophe Willem? Titi. Titi. Ah bah comme Titoff. C'est marrant quand même. Et vous, Laurent, c'était quoi? Ah bah moi, c'était... On m'appelait pas Lolo. Il y a que depuis que je suis dans ce métier qu'on m'appelle parfois Lolo, certains amis, mais je n'aime pas trop ça. Vous n'aimez pas ça? On m'appelait le Caillot, autrement, au Havre. Ah, le Caillot. Pourquoi vous appelez le Caillot, Lolo? Je ne sais pas, Nanou. Et Titi. Vous m'arrêtez pas, vous, Cocolina. Parce que Titi et moi, on aurait bien aimé savoir. Alors, Scrooge, tu joues dans le prochain Lelouch? Oh, Scrooge. Mais d'où ça vient, Scrooge? C'est dingue. Chantal, c'est quoi, Scrooge? Je sais pas, j'ai jamais su. En tout cas, c'est marrant, les petits surnoms. Vous voyez, Adolphe a dit, vous voyez, et ça donne Adidas. Oui, on apprend quand même des choses dans cette émission. Et justement, parlons aussi de Puma, la marque, évidemment, qui a bien du mal à revenir sur cette affaire. Ils sont obligés de communiquer pour dire que leurs maillots sont solides. Alors, Puma, évidemment, ça vient évidemment du félin que tout le monde connaît, le fameux Puma. Mais quelle est la différence? Et ce sera une question pour Sabrina Guéguen de Voisin le Bretonneux. Quelle est la différence entre un Puma et un jaguar? Mais ils ne sont pas dans la même région. Alors, c'est-à-dire... Le jaguar, c'est le Brésil, et le puma, c'est l'Amérique du Nord. Excellente réponse de Bernard Mabille. On le savait. C'était facile. Ce n'est pas d'ailleurs la seule différence. Bah, c'en est une, c'est la déjà couleur. Pas mal. La couleur aussi. Alors, la pas couleur la couleur. La taille. Pardon? Les taches. Ouais. Le puma a une couleur unie, alors que le jaguar a des taches. Ah, ouais. Ouais. Oui, mais si tu laves le jaguar avec Ariel, c'est bien puma. Et le jaguar, souvent, a des fauteuils en cuir. Moi, par exemple, je suis un jaguar, parce que j'en ai des taches, croyez-moi. Skoda Visa, partenaire officiel du Tour de France 2016 et RTL, vous offre un pack VIP pour deux personnes avec, entre autres, un survol en hélicoptère de la 10e étape du Tour de France. Ça sera le 12 juillet prochain dans les Pyrénées, de Escalde en Gordanie à Revel. Vous aurez le privilège de vivre les meilleurs moments de la course au plus proche des coureurs. Quelle chance! Rendez-vous entre 4h30 et 7h du matin, demain matin, dans RTL Petit Matin, avec Stéphane Carpentier et Marina Giraudot pour découvrir l'indice du jour. Bonne chance. Jusqu'à 18h. Les grosses têtes sur RTL. Géant, c'est l'été chez Géant. Faites le plein de fraîcheur et de vitamines avec l'offre exclusive sur le Tropicana Pure Premium Orange sans pulpe en pack de 4 bouteilles d'un litre 5. Le deuxième pack est à moins 50% tout de suite. Soit par deux, le pack à 6,93€ au lieu de 9,24€. Et c'est seulement chez Géant. Les prix bas, c'est Géant. Pour votre santé, bougez plus. Schnorr, pas de collet Picardie, ça n'existe plus. Les Hauts-de-France, hein? Donc il n'y a plus de ch'tis, plus de piquère, plus de chobello. Ah, maintenant j'appelle les Hautains et les Hautaines. Oh. Ah ben, mais je m'appelle Dani de Boone des Hauts-de-France alors. On va de Dios. Dani de Boone des Hauts-de-France à l'Olympia à partir du 9 novembre et en tournée dans toutes les nouvelles régions de France. Ne m'appelez plus jamais Bilout, ne pas de coller, ils m'ont laissé tromper. En partenariat avec RTL. MAF Assurance, bonjour. Dites donc, c'est quoi ce crédit auto de 1,5%? Ben oui, jusqu'au 24 juillet 2016, si vous assurez votre auto chez MAF, vous pouvez la financer à 1,5% TFG fixe sur 12 mois. Ben oui, 1,5%. Tout à fait. Pour un prêt personnel de 5 000 €, ça vous fait 12 mensualités de 421 €, soit un montant total dû de 5 041 €. Alors là, je dis respect. C'est sous réserve d'acceptation par Franc Finance, dont MAF est intermédiaire de crédit exclusif. Conditions au 35, service et appel gratuit ou sur maf.fr. Dans les grosses têtes, voici celle que l'on surnomme la Valoche. RTL. C'est l'heure de la valise. Elle commence à être bien lourde, cette valise RTL, et c'est tant mieux. Elle n'a pas été gagnée depuis jeudi dernier. 1 001 €, le DVD Joséphine Sarondi, un coffret de chocolat Ligue 1, un séjour en famille à Vulcania en Auvergne, le livre de Claude Pujade-Renaud, tout dort paisiblement sauf l'amour, un smartphone et une tablette Arcos, équipe de France, et le livre de Guy Carlier, pas Guy Carlier, le livre Qui veut tuer Mathieu Valbuena. Une valise qu'il faut gagner maintenant. Je vais demander à Baptiste Le Caplain, dont on fête le retour dans les grosses têtes aujourd'hui, de choisir un numéro entre 1 et 20, même si c'est Ariel, parce qu'elle est préposée à la valise. Hein, Elle est préposée. C'est dingue. C'est elle qui appellera évidemment nos auditeurs. Alors, je vais dire le numéro 17. Là. Numéro 17. Alors Ariel, vous notez bien. Hein. Oui. Quel rêve d'avoir Ariel Dombal comme secrétaire. Mais c'est vrai, arrêtez de rêver quand même. Oui. Vous notez, Cocolita. Alors, Monsieur Thierry Pétorin. Monsieur Pétorin. Mais non. Il a qu'un espèce d'ailleurs. Mais pourquoi chaque fois les noms? Ça sonne chez Monsieur Pétorin à Valbonne. Il est à Valbonne, dans les Alpes. À mon avis, on ne doit pas s'emmerder avec lui, Pétorin. Allô? Ça ne décroche pas. Non. Non? Un coup de bol, il ne va pas décrocher. Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie de Thierry. Je suis toujours vivant, rassurez-vous. Toujours la banane, toujours debout. Il est pas né ou mal barré, il voudra m'enterrer. À bientôt, au revoir. Laissez un message après le... On lui laisse un message, Ariel. Ah oui. Monsieur Pétorin. Nous sommes tout un petit groupe qui voulait nous tout de même. Nous sommes une bande, une sacrée bande. Ta ti ta ti ta ti ta ta ta ta. La la la la la la la la la la la la la la la. Voix sur ton chemin. On est en train de pourrir les répondants des auditeurs tous les jours. Écoutez, Monsieur Pétorin, c'est le fisc. Écoutez, tant pis pour Monsieur Pétorin qui a perdu la valise RTL. J'en suis bien triste. C'est passé à ça. Hein. On peut rajouter quelque chose dedans. Pardon ? On peut rajouter quelque chose dans la valise. Vous ne croyez pas si bien dire, chère Chantal. Oui. Pour la prochaine valise RTL, c'est-à-dire pour demain, nous allons offrir... Une photo de Chantal nue. Non. J'en ai. T'en as où? Ah, je suis très belle. Ça ah ouais, ce que vous dites. Qui a pris les photos? On peut rajouter le Parisien d'aujourd'hui? Daguerre. Page 33. Daguerre. Il me demande qui a pris les photos. Ah ouais. Je lui dis, Daguerre. Tu as entendu ça, Chantal? tu as entendu la petite fille, Chantal? Qu'est-ce qu'il a dit ? Il y a Coccolina qui se réveille en vous, oui, Ariel. Qui a pris la photo de Chantal ? Daguerre, il a dit. Daguerre. Mais elle ne sait pas qui c'est. Non ? L'inventeur de la photographie. Oui, c'est une photo de toi nue, de comme t'es vieille. C'est intéressant et je dois dire que je me plais beaucoup. Va visiter Lascaux, ils t'ont peint sur un mur. On va pas si bien dire. Je suis pas dans les catacombes. L'album de Chantal Lascaux. Oh non, écoutez, franchement, rien à voir avec tout ça. Ce que j'ajoute dans la valise, c'est une expérience VIP pour suivre la 17e étape du Tour de France avec Skoda. Skoda est le partenaire officiel du Tour de France et RTL vous offre donc un pack VIP pour deux personnes. Ça veut dire que vous allez survoler en hélicoptère la 17e étape Berne et Mosson le 20 juillet prochain. Vous aurez le privilège de vivre les meilleurs moments de la course au plus proche des coureurs. Vous serez au-dessus d'eux en hélico, vous voyez. Oh là là. Ça, c'est quand même génial. Et évidemment, en plus de cette balade en hélicoptère, dans le package VIP, il y a deux nuits dans des hôtels 4 ou 5 étoiles, le transfert, l'aéroport, le dîner de clôture, des cadeaux. Wow. Et le transfert se fait en drone. Non. Et un pique-nique, il y a un pique-nique. Un pique-nique sur la route du Tour de France. Non, c'est VIP. Si c'est VIP, il faut aller au resto quand même. Quoi. Et un accueil privilégié au village départ et au car podium. Une rencontre avec les coureurs. Et les pharmaciens. Ah non, mais c'est génial. Et un pot belge pour la soirée. Et vous pourrez rouler avec une ancienne légende du Tour de France. Ah, c'est qui ? Bernard Hinault. Merci en tout cas, Skoda, partenaire d'RTL et du Tour de France. Voilà donc ce qu'il faut retenir. Dans la valise, j'ai ajouté une expérience VIP Skoda pour suivre la 17e étape du Tour. C'est bien noté ? Faut gagner la valise avant le Tour. Chantal, on s'arrête de toute façon avant que le Tour ne démarre. D'accord. C'est qu'il y a des best-of, des grosses têtes pendant tout l'été. On va vous réentendre. Incroyable. En juillet, en août. Hey. Les meilleurs moments. Remarquez, je suis pas sûr qu'on va vous entendre, c'est les meilleurs moments. Les meilleurs moments, Chantal. Eh, hey, vous avez pas vu Nelson? T'es méchant avec moi, mais c'est pas grave. Non, ça se verra un jour. On vous aime, Chantal. Bien sûr que oui. Dépêche-toi de payer la note. Tout cet amour, c'est trop. On est jaloux, tu sais. Chantal, vous savez qu'en fait, tout à l'heure, vous avez parlé du film, futur film de Claude Lelouch. Ouais. Et j'avais une question là-dessus, sur le casting de ce film, parce que c'est évidemment assez incroyable. Non pas que vous soyez dans ce casting, cher Chantal, ça, on est évidemment très, très content que vous soyez. Il y a quelque chose de Lelouch. Dans ce prochain film de Lelouch. D'autant qu'il y a aussi Vincent Pérez, vous vous rendez compte? Ah ouais. Pascal Elbé, Mathilde Seigner, Johnny Hallyday, Isabelle Pascoe, Stéphane De Groot, Christophe Lambert, Elsa Zilberstein. Mais en fait, t'as le 15e rôle, en fait. Thomas Dutronc, Antoine Duléry, Julie Ferrier, Gérard Darmon, Audrey Dana, Béatrice Dard. Laurent, je vous coupe. Dites plutôt ceux qui ne sont pas dans le film. Philippe Lelouch, Michel Leeb, Rufus, Nadia Farès, Marianne Denicourt, Liane Folly, Déborah François. Ouais. Non, c'est dingue quand même. Et c'est écrit, n'en jetez pas plus. Non, mais c'est fou quand même comme casting. C'est un sketch, ce sont des sketchs qui fait 13 sketchs. Et vous serez dans un de ces 13 sketchs. Ouais. Mais il y a quelqu'un qui figure dans le casting qui n'est pas acteur. De qui s'agit-il? Chantal Latsou? Bernard Tapie? Bernard Tapie? Pas Bernard Tapie. Bah, Bernard Tapie, on peut considérer maintenant qu'il est déjà acteur. Oui. Ah oui, il a toujours été. Toujours été. Il a déjà joué dans un film de Lelouch? Il a déjà joué, dans un film, mais pas un film de Lelouch. D'accord. Ah, un film de Mocky. Mais il a joué peut-être son propre rôle dans un film. Bernard, Pierre Ménez. Non. Kerviel. Non, mais on se rapproche. Ah, c'est quelqu'un comme ça. C'est un banquier? Un banquier, non. Bernard Arnault, non. Un escroc? Non. Un politique, un ancien politique. Politique, non. Dans la finance, donc. Dans la finance, non. Un gros patron. Non. Un avocat. Un avocat, oui. Ah, bah c'est Dupont-Moretti. Bonne réponse de Bernard Mabille. C'est Éric Dupont-Moretti qui sera aussi dans ce film. Je vais faire des relations. Ah oui. Ah, les dents à la cantine, on va rigoler. Ah oui, à la cantine. Il m'a dit en plus. Qu'est-ce que vous dites? Il m'avait dit qu'il allait. Pourquoi il vous l'avait dit? Vous êtes en procès? Il fraye. Vous êtes en procès en ce moment? Non. Mais pourquoi vous croisez Monsieur Dupont-Moretti? Il m'arrive de croiser Monsieur Dupont-Moretti. Oh, Nanou, arrête de frimer. Nanou. Mais Nanou, t'emmerdes. Scrotch. Bernard, vous savez, si on, oui, ce qui vous aurait, enfin, ce qui allez-y, était Ariel. Aussi gracieux pour vous, c'est de vous appeler Babar. Là, je crois que je vais te montrer ma trompe, hein, parce que. Là... Mais oh. C'est bien de prendre on était persuadé qu'elle allait lui faire un compliment. Mais c'est ça. De prendre un air tout gentil pour dire une horreur. Ce qui serait gracieux. Les femmes m'appellent Babar et c'est pas pour les oreilles. Les grosses têtes, 16h-18h sur RTL. Laurent Ruquier. Intermarché réinvente la fidélité. Vous en donnez plus ? On ne pouvait pas faire moins. Oui, venez 4 fois par mois chez Intermarché et profitez d'un bonus de 25% sur tous vos avantages cartes cumulés dans le mois. Plus vous venez, plus vous êtes récompensé. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Offre soumise à conditions, voire conditions complètes à l'accueil de votre magasin et sur intermarché.com. Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime. Je vous retrouve tous les jours de 14h à 15h sur RTL pour l'heure du crime avec mes invités, enquêteurs, magistrats, avocats et journalistes. Je vous raconte les grandes affaires criminelles d'hier et d'aujourd'hui. Rendez-vous demain à 14h, l'heure du crime sur RTL. RTL, première radio de France. Titine, c'est l'heure de ta remise en forme pour préparer la route de l'été. J'ai pris rendez-vous chez un spécialiste. Filtre, climatisation, vidange, amortisseur. Des offres jusqu'à moins 30% dans votre garage AD. Rendez-vous sur AD.fr pour faire votre devis en ligne. Conditions des offres sur AD.fr. AD. 2000 garages, carrosserie et devis en ligne. RTL, il est 17h. Et voici les infos, Olivia Leray. Bonsoir à tous. Il est étudiant. Il avait perdu l'usage de son œil gauche pendant une manifestation contre la loi travail à Rennes. Souvenez-vous, c'était le 29 avril dernier. Eh bien, le parquet de Rennes a décidé d'ouvrir une information judiciaire. Selon deux experts médecins légistes, la cause la plus probable de la blessure de ce jeune homme est un tir de lanceur de balle de défense. Le procureur veut déterminer si les conditions de ces tirs par les forces de l'ordre étaient conformes aux obligations de sécurité. En ce qui concerne les prochaines manifestations contre la loi travail, l'intersyndicat qu'elle refuse catégoriquement le rassemblement statique à Paris jeudi. Les syndicats rappellent que manifester est un droit constitutionnel et que c'est à l'État d'assurer l'ordre sur la voie publique. Ils proposeront un itinéraire alternatif dans la journée. 48 000, c'est le triste bilan du jour. La pollution tue 48 000 personnes par an en France. Bonsoir Marc-Olivier Fogiel. Bonsoir Olivia. Vous nous en parlez dans RTL Soir avec Nicolas Hulot. Absolument, donc dès 18h nous reviendrons sur ce chiffre choc. Donc 48 000 morts par an, vous imaginez, c'est la troisième cause de mortalité en France, après la cigarette et l'alcool. Nicolas Hulot sera notre invité à 18h20. Alors, va-t-il porter ce sujet pour la présidentielle ? A-t-il décidé, oui ou non, de se présenter après donc ce chiffre choc ? Il nous le dira tout à l'heure, donc à 18h20. À tout à l'heure, 18h20, RTL Soir. Deux Canadairs de la sécurité civile française arriveront à Chypre dans la soirée. Ils viennent en renfort pour aider les pompiers présents sur l'île à lutter contre un feu de forêt sans précédent. Il a déjà détruit des centaines d'hectares de forêt. Euro de football, l'attaquant de la Suède, Zlatan Ibrahimovic, annonce cet après-midi qu'il prendra sa retraite internationale après la compétition. Et cela pourrait être demain si la Suède ne se qualifie pas pour les huitièmes de finale. À Marseille, deux rixes ont éclaté entre supporters. Une sur le Vieux-Port, une près du Vélodrome. Bien loin des échauffourées de la semaine dernière, 4 interpellations ont eu lieu ce midi. 4 matchs au programme aujourd'hui. Dans moins d'une heure, coup d'envoi d'Irlande du Nord-Allemagne et d'Ukraine-Pologne. Et à 21h, Croatie-Espagne et République Tchèque-Turquie. Votre rendez-vous pronostic avec Thibaut Geffrotin. Bonjour Thibaut. Bonjour Olivia, bonjour à tous. On joue avec le match République Tchèque-Turquie à vivre en direct sur RTL en simultané avec Espagne-Croatie à 21h, l'épilogue du groupe D. L'Espagne est en tête avec 6 points, la Croatie 2e avec 4 points, la République Tchèque 3e avec 1 point et la Turquie ferme la marche avec 0 point en 2 matchs. Cette rencontre entre Tchèques et Turcs oppose donc les deux équipes les plus faibles du groupe mais qui peuvent toutefois toujours se qualifier. Pour cela, la victoire est obligatoire pour l'une comme l'autre équipe. Les cotes pour ce match, 2,30 pour la victoire tchèque, 3,60 pour le match nul, 3,35 pour la Turquie. Les cotes sont sujettes à évolution. Un homme est attendu côté turc, Arda Turan, le joueur du Barça décevant depuis le début de l'Euro. Coup d'envoi 21h et prochain rendez-vous pronostic à 20h dans RTL Grand Soir d'Euro avec Agnès Bonfillon et Christophe Paco. Retrouvez les paris sportifs sur RTL avec Winamax, site de paris sportifs en ligne. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. Le temps. Demain, chaleur et soleil sur une bonne partie du pays. On ira quand même jusqu'à 35 degrés à Toulouse. Vous écoutez RTL, il est 17h03 tout de suite. Vous retrouvez les grosses têtes de Laurent Ruquier. RTL. Jusqu'à 18h, Laurent Ruquier et les grosses têtes sur RTL. Toujours avec Scratch, Nanou, Titi, Babi et Cocolita. Une émission présentée par Lolo. Le caillot, Lolo le caillot. Cocolina, pardon, j'écorche, c'est Cocolina, oui, pas Cocolita. Oui, autant bien faire les choses quand absolument. On veut appeler quelqu'un par son gentil nom d'enfant. Cocolina, c'est joli en tout cas. Oui. Mais c'est pas certain pour autant que vous réussirez à répondre à la question qui vient, qui nous emmène à Turin, puisque vous le savez, on a beaucoup parlé évidemment de Rome, dont la mairie a été gagnée par une femme qui s'appelle Virginia Raggi, qui fait partie du mouvement 5 étoiles. Hein, c'était les municipales en Italie le week-end dernier, mais une autre grande ville, Turin évidemment, a elle aussi été remportée par quelqu'un de ce une parti politique aussi. Et oui. Encore par une femme. Alors ma question elle est simplement géographique, vous avez posé la même d'ailleurs pour Rome, et vous vous souvenez évidemment dans quelle région se trouve Rome en Italie, dans le... Oh là, oui. C'est à côté de la pizza della Arte. Le Latium, c'était... Latium. Alors, et donc Turin, c'est dans quelle région, Turin? Les Pouilles. Non. Non, les Pouilles, c'est tout. Enfin, le Pau. Le Pau, non. La région de Turin. Le Turinois. Non. C'est le Piémont. Bonne réponse de Titoff. Ah, quand même. Oui. Quand même. Je savais. Je prolonge ma question pour Julien Filetchia qui habite Nice. On reste à Turin, car c'est là-bas, à Turin, que quelqu'un est devenu fou, au point qu'un psychiatre turinois a écrit sur son cahier de médecin, alors qu'il était chargé d'examiner cette personnalité tombant folle, ou tombant fou, si vous préférez. Le patient prétend être un homme illustre, ne cesse de réclamer des femmes, diagnostic, faiblesse du cerveau. Casanova, non. Non, je crois que c'est Nietzsche. Nietzsche, excellente réponse. D'Ariel Dombal, alors là, bravo Ariel. Non, ça c'est bien quand même. Là, vous voyez, là, vous ramenez les choses à zéro. Voilà. Dès qu'il s'agit de cingler, elle s'y connaît super bien. Bravo, Ariel. Ah non, mais voilà, on sent qu'elle prend des cours de philosophie le soir. Avec qui, je ne sais pas. Et si vous saviez quelle philosophie? Ah oh. Il est beau. Dans le boudoir. Oh. Vous mangez des boudoirs. Eindhoven. Mais non. C'est pas une question. Mais elle comprend rien. Mais elle, non, on parlait de BHL, évidemment. Ah, pardon. Oui, Chantal. D'accord. Ah, il est philosophe. Attention. Elle confondait avec le BHV. J'aimerais vous donner d'autres noms de Turinois célèbres. Hein. C'est l'occasion de parler de cette grande ville. Évidemment, la famille Bruni-Tedeschi, turinoise. Hein. Carla Bruni, sa maman, évidemment aussi. Mais Valeria, sa sœur aussi, vient de Turin. Umberto Eco vient de Turin. Et Aldo Macchione vient de Turin. Vous vous souvenez d'Aldo Macchione? Oui. La classe, Aldo Macchione. Il a tourné dans un film de Lelouch, d'ailleurs. Il ne prend que des grands acteurs. Et Umberto Tozzi. Tiamo. Alors là, je me tourne vers nos deux chanteurs, Ariel et Christophe. Est-ce que vous êtes capables de nous fredonner du Umberto Tozzi? Bien sûr. Tiamo. Tiamo. Tiamo. Tiamo. Tiamo. Tiamo. Plus que quelques secondes avant la mi-temps, ah là là, quelle pression, il faut absolument garder l'avantage. Mais siffle ! Allez, regarde ton chrono. Ouais ! Et c'est le coup d'envoi dans votre micro-ondes avec les burgers Charal. Vous allez aimer la mi-temps à découvrir au rayon boucherie et surgelé. Charal ! Pour votre santé, bougez plus. Ne bougez pas. Laurent Ruquier et les grosses têtes reviennent dans un instant sur RTL. Carrefour. Maman, Tristan a encore bu tout le jus d'orange. Mais non, c'est Franck, et il n'y a pas que moi qui en bois ici. Hein. Bon, j'ai une solution qui va arranger tout le monde. Jusqu'au 27 juin, on a 50% d'économie sur la carte Carrefour sur de nombreux produits, comme le jus d'orange Tropicana, par exemple. Eh ben parfait, comme ça, chacun sa bouteille. Jusqu'au 27 juin, dans vos hypermarchés Carrefour, profitez de 50% d'économie sur la carte Carrefour sur de nombreux produits, comme par exemple sur le jus d'orange Tropicana. 4 fois 1,5 litre, modalité sur carrefour.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Carrefour. Petit message, Peugeot en forme de remerciement. Avant toute chose, je tenais à remercier toute l'équipe Peugeot pour ce crédit exceptionnel à taux 0% sans lequel rien n'aurait été possible. Excusez-moi, c'est l'émotion. Et ce soir, je suis l'homme le plus heureux du monde dans ma nouvelle Peugeot. Merci. Jusqu'au 30 juin, profitez d'un taux de crédit à 0% sur toute la gamme Peugeot. Crédit sur 12 mois au TAEG et taux débiteur fixe de 0% de 5 000 à 10 000 euros empruntés, soit pour 6 000 euros, 500 euros par mois sur 12 mois, total du 6 000 euros. Détails sur peugeotwebstore.com. RTL. On part rejoindre Bernard Glace pour l'arrivée des courses. Il est 17h09. Bonjour Bernard, je ne sais même pas où vous êtes, on ne m'a pas dit. Oui, on ne m'a pas dit non plus. Bonjour Virginie, pour l'arrivée de la quatrième épreuve, c'était à Dieppe cet après-midi. Voilà. Et le quintet a vu la victoire du 8, Alesson devant le 14, le 7, le 11 et le 2, le numéro plus 1002. Arrivé rapport de la huitième épreuve, succès pour l'As Air Force Royal, 3,80 et 1,90 devant le 8, First Green qui rapporte 3,60. Et le 10 Tartarina, 2,50, 4e le 4, et puis la 9e et dernière qui était à Pic 5, qui a vu la victoire du 2 Tech to Win, 3,70 et 1,80, devant le 11 Bayonnette, 2,50, et l'As Chezatov qui rapporte 3,90, 4e le 5, 5e le 6, 2, 11 à 5 et 6, la 9e et dernière. Bien sûr, les résultats complets, les pronostics pour demain, le répondeur 3210 et le site refaitlescourses.fr. Demain, ce sera à Reims. À demain, c'est noté. À demain à Reims. Les grosses têtes en tournée dans toute la France pour leur tour de chant. Mais non, c'est pas vrai. Voici donc quelques rendez-vous spectacles de nos grosses têtes à vous donner. Il s'agit en fait de Bernard Mabille qui sera à Deauville le 8 juillet. Et puis aussi au Théâtre Antoine à la rentrée à partir du 10 octobre pour son nouveau One Man Show. Et deuxième spectacle, évidemment, vous pouvez retrouver Chantal Latsou pour les 13 dernières représentations de Nelson au Théâtre de la Porte Saint-Martin à partir de ce soir et ce jusqu'au 3 juillet prochain. RTL. Les auditeurs face aux grosses têtes. Bonjour Stéphane. Stéphane qui est dans les Pyrénées-Orientales. Où exactement ? Bonjour, je suis à Bompas. À Bompas. Voilà, tout de suite. Et vous avez 25 ans, Stéphane, vous êtes tout jeune. C'est tant mieux pour la question qui va venir, parce que peut-être vous êtes intéressé par le basket, et c'est de basket dont il est question. Ça peut vous aider déjà à préparer votre ordinateur, pendant que je vous dis évidemment ce que vous risquez de gagner. Valoir, Galibier, un séjour dans cette station de Savoie, une station au charme mythique, le col du Galibier, qui ne connaît pas. Farniente, piscine, patinoire, accès à la télécabine pour vous permettre de découvrir les plaisirs de la montagne sans trop d'efforts. Tout ça est à votre disposition. Allez voir sur valoir.net. Je vous passe, évidemment, parce qu'on en a déjà beaucoup parlé hier, le concours de sculpture sur paille et foin qui sera un événement artistique unique en France. Je m'étonne. Les Américains l'ont pas adapté, vous êtes sûr. Ça veut dire que tu y vas l'été. C'est sympa, la montagne. L'hiver, je l'ai déjà dit. Dans la même ville, il y a un concours de sculpture sur glace. Quand ça fond, l'été, évidemment, c'est sur foin et sur paille. Allez voir sur valoir.net, Stéphane. Un petit message à faire passer aux grosses têtes, à votre famille. Je voulais faire un petit coucou à ma petite sœur Anaïs et à mon autre petite sœur que je surnomme Bouboule. Bouboule, très bien. Et ouais, un gros bisou aux grosses têtes. Vous êtes vraiment géniaux, quoi. J'adore. Ça fait un an et demi que je vous écoute tous les soirs. Je vous ai découvert grâce à ma copine. C'est très gentil, Stéphane. La question concerne évidemment le club de basket qui vient de remporter dimanche les finales NBA, c'est-à-dire le championnat mythique américain. Le basket, c'est avant tout les États-Unis. On a quelques Français d'ailleurs qui ont la chance de jouer dans les clubs américains. Et quelle est la ville, on s'y attendait pas, qui a enfin gagné le championnat NBA. Je dis bien enfin parce que je crois que c'est un de leurs premiers titres. Ça faisait quasiment 30 ans qu'ils n'avaient pas gagné. 30 ans qu'ils n'avaient pas gagné. gagné. C'est la manière dont ils ont gagné. Qui est quelle ville américaine a gagné le championnat NBA dimanche? Et autre chose que le foot? C'est Cleveland. Cleveland, bravo! Oh vous intéressez au basket? Un tout petit peu, disons que je suis juste l'actualité. Là, j'ai vu, oui, j'ai vu l'exploit de cette équipe. C'est vraiment. Je connais pas moi le joueur. Alors, comment il s'appelle? LeBron James. LeBron James. Qui a démarré à Cleveland. Il était parti ensuite jouer à Miami où il avait remporté plusieurs titres. Et il est revenu dans sa ville où, pour faire gagner sa ville. Ouais, voilà, il avait très envie de faire gagner sa ville et ça faisait des années qu'ils attendaient ce titre. Et ce qui était fou, c'est que pour remporter la finale, il faut gagner 4 matchs. Et il jouait contre les Golden State Warriors qui avaient gagné 3 matchs et ils n'avaient qu'une victoire, Cleveland. Ils perdaient 3-1. Ils perdaient 3-1 et ils ont gagné 4-3. Tu pourrais pas chanter Ariel un peu parce que. the Golden Warriors, you say. Oui. So I will say yes, Goldfinger. Yes. Ah bah, va rechanter, vous voyez. He's a man. Ben, c'est la chanson chez mon proctologue. With a perfect touch. A perfect Goldfinger. Touch. Vous partez en tout cas à la neige, ou si ce n'est à la neige, à la montagne. À la paille. À la paille. À la paille. Cette nuit, c'est pas mal, cette nuit pour deux personnes en hébergement. Faut la finir, la sculpture de paille. Hein. En hébergement complet, ou pendant l'été 2016 ou pendant l'été 2017, vous choisirez votre été, mais une semaine à la montagne, écoutez, hein, ça ne se refuse pas. Merci beaucoup, c'est très gentil. On vous applaudit, Stéphane. Et j'ai une question. J'ai une question de plus, parce que je dois dire que les journalistes sportifs de Libération ne sont pas comme les autres journalistes sportifs. Ils utilisent parfois des mots dans leurs articles pour lesquels il faut aller voir dans le dictionnaire ce que cela veut dire. C'est ça qui est assez chouette, d'ailleurs. C'est pour ça qu'on a arrêté de lire avec Titoff. Damien Doll, qui fait le compte-rendu du match, qui a donc montré que Cleveland était les plus forts cette année en basket, nous dit que cette ville américaine avait jusque-là un palmarès désespérément. Bah justement, quel adjectif utilise le journaliste pour dire que jusque-là, Cleveland avait gagné très peu de titres? C'est un vieux français un peu. Alors, je peux pas dire que ce soit forcément du vieux français, mais c'est un adjectif dont j'ignorais même moi qu'il existait. Même vous. Si vous, Laurent, alors comment vous ça veut dire dégarni? Parce que moi, je ne suis pas grosse tête, je ne suis que le vulgaire animateur des grosses têtes. Vous êtes bien plus que ça, Laurent. Vous faites du mal. Mais c'est quoi la phrase? Le palmarès, c'est quoi? Alors, je vais redire la phrase, parce que vous pensez que vous avez trouvé. Oui, ça. Vous avez vu ou pas quand j'essaie de la jouer? Tu trouveras pas. Mais si, attends, j'ai trouvé Equinox. Je vous donne le début de. Tu vas pas nous faire ça pendant 10 ans. Mais si, c'est ma fierté. C'est vrai, mais là, c'est pas Equinox qu'il faut trouver. Je vous lis le début de l'article de Damien Doll. On croyait que le sort de Cleveland dans le sport américain était une malédiction sans fin, à l'image des tragédies grecques dont on sait avant le début qu'elles se termineront dans le sang et les larmes. Une ville au palmarès désespérément 1-1. Et voilà, et là, il faut trouver l'adjectif qui manque. Maudite. Non, ça veut dire. Je vais vous donner d'ailleurs exactement la signification de l'adjectif. Ça veut dire maigre, extrêmement maigre. Chétif. Alors, chétif, non. Non. Maigre, extrêmement maigre. Extrêmement maigre. Émacé. Émacié, vous voulez dire peut-être non. Enfin, Laurent, il connaît le mot émacié. Alors, ça veut dire aussi mesquin, pauvre, insuffisant. Ave. Non. Décharné, filiforme, squelettique. Ah, c'était pas loin. Est-ce qu'on le connaît, on l'emploie de temps en temps? L'inverse, c'est gras, dodu, m'habille. Enfin. Non. Mais quel relou. Enflanqué. Je suis en train de devenir le Castelli de cette émission. Mais n'importe quoi. Bavard, ne vous laissez pas faire. Ah non. Merci ma petite Ariel. Alors, il y a un homonyme, c'est-à-dire que cet adjectif a un homonyme qui veut dire tout autre chose, vous voyez. D'ailleurs, j'ai cru, pour tout vous dire à un moment donné, qu'il y avait une faute dans le mot, parce que c'est un mot, effectivement, qu'on utilise parfois avec un H, mais qui veut dire tout autre chose. Avec un H. Un homonyme alors, de squelettique. Au début. Et là, c'est sans H. Éthéré. Comment vous dites? Éthéré. Ah ben, écoutez, étiolé. C'est la même racine, en tout cas. Étiolé, éthéré. Presque. Étiré. Étiré, non. Ouais, bien sûr, ouais. Il vous reste 30 secondes. Comment? Ça finit par hic. Ça finit par hic. Ah bah vous avez éthique. Bonne réponse de Bernard Mabille. Et voilà. Éthique, mais sans H, vous voyez. Éthique, ça veut dire extrêmement maigre, atteint d'étisie, pour tout vous dire. Ah ouais. Vous voyez qu'on aura appris un mot aujourd'hui, ah ouais. Un palmarès éthique, E-T-I-Q-U-E. Bravo au journaliste qui nous aura appris un mot. Ah ouais. Oui. Les grosses têtes sur RTL. Géant, c'est l'été chez Géant. Faites le plein de fraîcheur et d'énergie avec l'offre exclusive sur le Lipton Ice Tea Liptonic en bouteille d'un litre 5. La troisième bouteille est gratuite tout de suite, soit par trois, la bouteille à 1,05€ au lieu de 1,58€. Et c'est seulement chez Géant. Les prix bas, c'est Géant. Pour votre santé, bougez plus. Dis, oui. Tu aimes le cinéma? Ah bah oui, bien sûr. Tu vas être content. Pour ses 20 ans, Bouygues Télécom offre à ses clients Bibox 20 films en VOD. Waouh, 20 films en VOD sur ma Bibox Miami? Oui. Avec les pop-corns? Ah. Non mais je demande, bah tant qu'à faire. Tu es tellement drôle. Chez Bouygues Télécom, pour nos 20 ans, encore plus de plaisir avec la technologie. Cette semaine, découvrez le cadeau que nous réservons à nos clients Bibox. 20 films de légende offerts en VOD. Rendez-vous vite sur bouyguestelecom.fr. Offre soumise à condition. Brico Dépôt vous présente les deux mots du jour. Carrément solde. Produit soldé? Débroussailleuse thermique. Grande puissance? 33 cm cubes. Super affaire? 89 euros. La qualité, le prix, Brico Dépôt, l'essentiel en deux mots. À partir du 22 juin dès 7h, profitez des soldes Brico Dépôt avec des remises exceptionnelles. La débroussailleuse thermique 4 en 1, 33 cm cubes, guide et chaîne Oregon est à seulement 89 euros au lieu de 119 euros. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Liste des dépôts participants sur bricodépôt.fr. Pour vous, les filous! Pour vous qui n'acceptez les promotions canapé que pendant les soldes. Tenez-vous prêt, demain, c'est les soldes. La Redoute propose jusqu'à moins 70% de remise sur plus de 10 000 articles mode et maison. Puma, Jonac, Levi's et bien d'autres marques seront disponibles en un clic. Pensez à préparer votre panier. Et la livraison et les retours sont gratuits. Voir conditions sur laredoute.fr. Bon plan, entretien auto. Euro Répar Car Service, il y en a forcément un à côté de chez vous. Ah, moi, pour les vacances, tout est prêt. Enfin, sauf ma voiture. Alors là, je te donne un bon plan. Chez Eurorépar Car Service, ils ont des forfaits à partir de 59 euros pour toutes les marques. 59 euros? Oui, oui. Vidange, freinage, clim, c'est toute l'année à partir de 59 euros. Et en plus, je vais te dire, le service est top. Eurorépar Car Service, l'entretien auto toute marque. Rendez-vous et devis en ligne sur eurorépar.fr. Réservé aux particuliers, conditions sur eurorépar.fr. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô, patron? T'as des nouvelles de Lidl? Ah oui, et des croustillantes, hein. Dès demain, les fines crêpes dentelles de Bretagne au beurre de la gamme Saveur de nos régions sont à 1,29€ la boîte de 85 grammes. Les fines crêpes dentelles de Bretagne sont à 1,29€ selon la recette pure beurre de Quimper? Tout à fait, au beurre. Oh, vous êtes un fin connaisseur, patron, hein. Oui, bon, on compte vraiment pour... Pour du beurre, bah je sais. On est mal, très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 15,18€ le kilo, offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Pour votre santé, évitez de grignoter. RTL. 300 euros, c'est la coquette somme que vous pourrez gagner si Laurent Ruquier vous choisit pour être associé à une question d'actualité qu'il posera pour vous, en votre nom, à ses grosses têtes. Et alors, les 300 euros, vous les gagnerez si personne ne trouve évidemment la bonne réponse. Aussi facile que de vous inscrire sur RTL.fr. Une question pour Camille Soulard, qui habite Saint-André-Gouldois, c'est en Vendée. Et cette question va nous emmener sur les Champs-Élysées, puisqu'on nous dit dans le Figaro économique aujourd'hui que l'avenue parisienne attire de plus en plus des commerçants prêts à casser leur tirelire, donc évidemment essentiellement des boutiques de luxe, pour se faire une place sur la fameuse, telle qu'on l'appelle souvent, plus célèbre avenue du monde, les Champs-Élysées. Mais justement, au numéro 118... des Champs-Élysées va peut-être s'ouvrir bientôt une boutique que les femmes attendent depuis un moment. Laquelle? Tampax. Non, mais... Monsieur Babi. Attendez, je sais pas, moi je cherche. Le mec, il a tout lâché, quoi. Galerie Lafayette. Baba. Galerie Lafayette, non? Galerie Lafayette, c'est vrai qu'on annonce aussi les Galeries Lafayette sur les Champs-Élysées, mais ce sera pas au 118, puis c'est pas seulement pour les femmes, les Galeries non, Lafayette. C'est la parfumerie, non? C'est pas la parfumerie, une marque. Bijouterie. Une marque que les Parisiennes de attendent. De vêtements. De marque. De sous-vêtements. Oui. Ah. Victoria's Secret. Victoria's Secret. Ah. Bonne réponse de Baptiste Le Caplain. Bravo, mec. Ça a dû vous coûter cher, les mecs. Hein. Comment vous savez ça, Baptiste ? Non, mais votre femme, Ah non, mais moi, je ne peux pas aller avec ma compagne dans un magasin de sous-vêtements. Pourquoi ? Ah, je sais pas. J'ai l'impression que ça fait pervers. Je suis super gêné. Donc elle y va avec un autre ? Non. Mais moi aussi. Hein. Moi, je peux pas. C'est Ariel, c'est bien. Victoria's Secret. Ah oui, c'est vraiment très très bien. Ah oui. Ils ont vraiment l'invention pour tout ce qui est petites culottes, notamment. Ah oui, bah oui, c'est le but. Qui est vraiment très gracieux. Mais vous pouvez toujours, si vous n'aimez pas les choses archi sophistiquées, aller au sexodrome avec votre compagne. Ah, Pigalle, oui, bien sûr. Oui, pourquoi j'irai au sexodrome? Vous y allez avec votre époux? Non. Vous y allez? Mais le sexodrome, c'est une espèce de supermarché du caleçon. Oui. Non, mais si je suis. Non. C'est bonne solution. Pourquoi je suis mal à l'aise pour aller dans un magasin de lingerie, mais je vais aller au sexodrome. Pourquoi tu voudrais que je porte un caleçon? J'ai rien à mettre dedans. Mais attendez, mais pourquoi vous faites de la promo pour le sexodrome, Ariel? Non, mais parce que ça, en passant. En passant par le Mexique. Pour vous avouer quelque chose, j'y suis allé, car j'avais un cadeau à faire, des petites culottes pour une amie. C'est Victoria's Secret? Non, là, au sexodrome. C'est pas vrai. Et j'ai acheté une série d'une petite douzaine de petites culottes magnifiques, je dois dire. Et il y avait le nom derrière, c'était marqué Cocolina. Merde. J'attendais la connerie. La lune Cocolina. Vous portez quoi, Chantal, par exemple? Les slips de mon mari. Scratch, Scratch. Tu sais, c'est Scratch. Tu découches culotte Scratch. Ah non. Non, le slip kangourou a du charme. Très confortable. Mais bien sûr que le slip kangourou a du charme, si on peut le remplir. Hein? Mais j'ai jamais bien compris comment il fonctionne, le slip kangourou. Alors, je vais te montrer. Ah non, mais là, demande à Babar, là. Je vais te cornaquer. Oui. Le slip kangourou, normalement, la logique, c'est qu'on n'a pas à le baisser, par exemple, pour faire pipi, par exemple. Parce que sinon, pour le reste, ça marche pas, quoi. Nous sortons notre sexe par la poche de devant. Mais je crois qu'elle est, double, non ? À Tchernobyl, elle est double. non, mais oui, tu peux la sortir à gauche ou à droite. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça dépend si t'es droitier ou gauche. Ça fait comme un sas, un peu, tu vois. Voilà. Comme une sorte de clapet avec deux choses. Exactement. Par contre, si on peut éviter ce genre de métaphore... Ça, c'est pour la circoncision. Mais pour dire la vérité, j'interroge ces messieurs des grosses têtes, car j'imagine qu'on a tous porté au moins une fois dans notre vie un slip kangourou. Non, jamais. Ah non, je peux pas. Vraiment, Baptiste? Non, moi, le seul slip kangourou que j'ai vu, c'est Thierry Lhermitte dans Les Bronzés. Non, mais ça, je crois qu'il en a... Non, mais je peux pas porter parce que slip kangourou. Jamais, en tout cas, on ne l'a utilisé... Mais ça sert à rien. Tel qu'on doit l'utiliser. Moi, j'ai eu des slips kangourous, je baissais le slip comme d'habitude. Mais je vous apprendrai à utiliser un slip kangourou. Mais ça n'a aucun intérêt. J'ai jamais vu personne sortir son sexe par la poche, vous voyez ce que je veux dire? Ah si. Ah oui si. Ah bah oui, des acrobates. Ah, l'imagination va loin, hein, quand même. Incroyable. En tout cas, Victoria's Secret sera bientôt au 118 sur les Champs-Élysées. C'est vrai que ça évitera à vos amis de vous dire, quand vous voyagez, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe, ramène-moi des petites culottes de Londres, des États-Unis ou d'ailleurs. Mais il y en a déjà à Paris. Pardon ? Il y en a un rue de Passy. Ah bon ? Ah oui, non, Victoria's Secret. C'est les nuits d'Élodie. Non, dis donc, elle est bien au courant, Babar. Mais Babar fait des cadeaux à sa vieille maîtresse. Eh ben dis donc. Oui, une fois j'ai fait un cadeau pour ma femme. Et la vendeuse, donc, comme je disais, et elle avait des très gros seins. Et chaque fois, elle me disait, je l'ai, il est très agréable et très confortable. Alors, bon, la première fois, je dis, ok, elle le conseille. La deuxième fois, au bout de la troisième fois, je dis, bon, maintenant, il faut arrêter. C'est très, très, très gênant, voilà. Attends, pourquoi elle te conseille ? Puis après, je l'ai baisé, et puis voilà. Les grosses têtes, 16h-18h sur RTL. 118 712, le numéro de référence pour trouver un médecin. 118 712. Appel facturé 50 centimes d'euros la minute, plus 2,19€ par communication, plus prix de l'appel, y compris durant la mise en relation. J'en ai marre de notre salle de bain. Pff, et la cuisine! Si on changeait tout. Ouais, sauf qu'on n'a pas encore gagné au loto. Pas besoin, regarde ce que j'ai trouvé. Peinture rénovation de V33. Élu produit de l'année 2016. Sans sous-couche et sans décapage. Alors, prêt pour changer de décor en un coup de pinceau avec V33 ? Si la gamme de peinture rénovation V33 est élue produit de l'année 2016, c'est qu'elle l'a bien mérité. Petit message Peugeot en forme d'ordre de mission. Professionnel, votre mission, si vous l'acceptez, est de découvrir le nouveau Peugeot Expert. Avec ses portes coulissantes main libre, sa navigation connectée, son volume de 6,6 mètres cubes grâce à la banquette Modiwork et son moteur 2 litres Blue HDI offrant la consommation la plus basse de sa catégorie. Nous comptons sur vous. Professionnel, découvrez le nouveau Peugeot Expert dans le réseau Peugeot. Détails sur peugeotprofessionnel.fr. Venise, un garçon qui ne parle pas, qui officiellement n'existe pas. Une mort brutale, une mère qui se tait. Derrière les majestueuses façades des palais vénitiens, une famille d'aristocrates et un lourd secret. Retrouvez le commissaire Brunetti dans le nouveau roman de Donna Leon, Le garçon qui ne parlait pas. 7,70€, disponible en poche aux éditions Point. Carrefour Market fête ses clients. Alors cette fête, ça y est, ça a démarré, c'est quoi la surprise du jour? J'ai des idées pétillantes, Michel. Market fête ses clients avec plein de promos. Oh, dites-moi, allez, allez. Jusqu'au 3 juillet, pour un produit acheté, il y a 50% de remise immédiate sur le deuxième identique. Et c'est valable sur une sélection de produits de marque, comme sur le pack de Coca-Cola, par exemple. Que la fête commence! Carrefour Market, le plein de fraîcheur et d'économie. 6 fois 1,5 litre. Magasin participant sur carrefourmarket.fr. Pour votre santé, bougez plus. Salut vieille branche. Bah, qu'est-ce que tu fais? Je me muscle pour pouvoir soulever tous les sacs de granulés de bois que l'on va me livrer. Mais tu sais pas que Total te livre tes pelets pile dans ton garage? Pile là où je les empile? Mais oui, et je dirais même plus, pile poil. Oh, ça va mieux. Eh oui, Total s'engage à vous livrer vos pelets jusqu'à votre lieu de stockage. Total Pelet Premium, des granulés de bois sélectionnés avec soin par Total pour une combustion optimale. Commandez-les sur masolutionpelet.com. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Jusqu'à 18h, on va tout savoir sur les dessous des grosses têtes de Laurent Ruquier. Et c'est avec Christophe Willem, Bernard Mabille, Ariel Dombal, Chantal Letsou, Titoff et Baptiste Le Caplain. J'entends de ces choses ici. On a tous l'image. Je ne préfère même pas répéter ce que j'entends pendant les publicités. Mais on préfère l'image, nous, carrément. Chers auditeurs, Ariel, est-ce que vous êtes capable de répéter ce qu'a dit Chantal là-dessous? Écoutez, je n'ose pas. Ah, vous voyez, hein, c'est quand même terrible, Chantal, ce que vous avez dit. Non, c'est vrai parce que je ne sais jamais. Alors, je ne porte pas de string. Expliquez ce que vous avez dit pendant la publicité. Je ne porte pas de string, j'aime pas ça. Parce que si vous voulez, quand je vais chez l'esthéticienne, elle me donne un string. Oui. Et je ne sais jamais s'il faut mettre le grand côté devant ou la ficelle devant. C'est une question? Alors là-dessus, je suis assez d'accord avec vous. Quand on va se faire masser, ça arrive. Cela, oui. Dans les beaux hôtels, je suis d'accord avec vous. Moi, c'est pareil. Alors, je refuse la petite culotte noire qu'on me donne. Ah ouais, la culotte jetable. C'est vrai qu'on a celle-là, l'air nulle. Celle-là, on a vraiment l'air très con. Alors, on a l'air trop con. Et moi non plus, je ne sais jamais où elle est derrière et où elle est devant. Moi, je l'ai fait. Hein. Ah oui? Mais je m'étais trompé. Non, mais le pire, c'est que c'est pas compliqué. Ils te disent, en plus, vous trompez pas. Souvent, j'ai des clients qui se gourrent. Tu dis, t'es encore plus con si tu le mets, tu gourres. Tu vois, non, mais... Moi, je descends en compagnie, on me masse pas. Hein. Pardon? Jamais vous n'avez eu un massage? Ah, si, si. Ah, quand même. Alors, le string, moi, c'est. Nappe de la cuisine et cordonneux. Hein. Non, mais c'est vrai, Ariel. Vous aussi, on vous propose ce genre de petit. C'est vrai. On ne sait pas le devant du derrière. C'est mort. Mais ça dépend de quel genre de massage. Tant que vous y êtes, dites que je vais au pute. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Un massage normal dans un spa, voilà. Quand non, on vous masse. C'est le grand côté devant. À la fois dernière, j'avais mis le grand côté derrière. Mais la dame m'a rien dit du tout, mais ça me faisait non, mal. Non, mais logiquement, devant. Ariel, c'est le grand côté devant. Ben oui. Non, mais je crois qu'il y a une évolution. Ah. Et ils ne sont pas agréables. Il vaut mieux apporter son slip. Voilà, ses propres. Moi, je suis allé me faire masser une fois dans un truc chinois. Ah ouais, ils ont toujours pas terminé le massage. Elle m'a dit, oh tes culottes. Oh là là, ça m'a fait peur. Oh tes culottes. Moi, une fois à Shanghai, dans un hôtel. Ah, ouais, toi, c'est à Shanghai, moi, c'est... Non, mais dans un hôtel très, très connu, j'ai fait un massage avec une... Enfin, c'est une meuf, quoi, qui faisait un massage. Et je me suis endormie, je me suis réveillée. Et en fait, elle était en train de me branler. Ah, C'est vrai. Mais qui, qui dort en ce moment? Et qu'est-ce que t'as dit? Et tu t'es endormi. Non, non, parce que j'ai laissé faire. Mais tu faisais. Ouais. Non, mais à un moment. Si tu vas, termine, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vous verrai plus jamais pareil. Ah, c'est non, mais après le massage, il m'a coûté une blinde. Parce ah, oui, c'est ça. Fallait pas aller jusqu'au bout, franchement. Ah, c'est ouais. Ça, mais comment est-ce qu'elle a eu l'audace? C'est que fatalement, vous avez donné des signes. Ah, bah, c'est qu'en dormant. Non, mais en dormant. Non, mais en fait, j'étais en jet lag parce que j'étais arrivé le jour même. Et je pense qu'en dormant, elle a dû me caresser et j'ai bandé. Et du coup, elle a continué. Elle a pris ça comme un signe. Elle a pris ça comme un bon signe. Ouais. Peut-être qu'elle vous a proposé en chinois, tout simplement, voilà. et que vous n'avez pas compris ce qu'elle vous a dit. Ah oui, finition. Je crois que ça s'appelle avec finition. Voilà. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça, exactement. Oui. Mais attends, je crois que c'est ça. Mais ça, c'est ça. C'est en mandarin, ça. Non. C'est en mandarin. Non, mais Ariel, ça, c'est en français, tout le monde le sait. Non, mais c'est en chinois qu'on sait pas, vous voyez. Mais le pire, c'est que c'était pour un. Je faisais un concert pour la chambre de commerce et d'industrie en France à Shanghai. Et c'est eux qui payaient tout. Ah oui, les extras. Et j'arrive à la fin, elle me dit oui, il y a un petit truc. Par contre, ça, faut que tu payes en espèces, parce qu'on peut pas rajouter. Mais ah bah ça se paye en liquide. Non, non, mais c'est là que t'as l'air con. Ah non, non, t'as l'air très con. Faut que tu payes en liquide. Ah ouais. Ouais. Ah non, mais c'est vrai que ça, c'est vrai que c'est toujours embêtant à la réception, hein, cher Bernard. À la honte. On m'a raconté, attendez, hein, moi, quand, évidemment, on a loué pendant la nuit un film, par hasard, parce qu'on s'est trompé, on voulait voir, évidemment, Mickey, et puis on est tombé sur Jeune fille en chaleur. Et quand, évidemment, le matin, à la réception, vous payez, et que la réceptionniste veut vérifier, qu'elle dit, vous avez bien loué Jeune fille en chaleur, et qu'il y a 10 personnes derrière vous, Bernard, vous avez la honte, évidemment. Ça m'est jamais arrivé, mais ça. Oui, Bernard, ouais. Bien sûr. Moi, j'ai voulu mettre un Walt Disney. Et je suis tombée sur sa glisse au pays des merveilles. Non. Elle le fait exprès. Je crois qu'elle nous prend pour des cons, en fait. Est-ce que tu as vu Robinson sur Zoé? Découvrez le Schmilblick et tentez de gagner 3000 euros avec l'indice bonus. Il existe un Schmilblick d'or. Répondez vite au 36 74 code 64, 3 euros l'appel plus coût opérateur. Conditions de remboursement sur leschmilblick.fr. Dans un instant, retour des grosses têtes avec Laurent Ruquier sur RTL. Well, that's all right, mama. Dominique Blanc-Francard est un des grands ingénieurs du son français. Il a travaillé avec Elton John, Pink Floyd et Grateful Dead au studio légendaire du Château d'Hérouville. Il vient de sortir un livre et un disque, It's a Teenager Dream, où ses amis les artistes français chantent des hits des 60s. Dominique Blanc-Francard est mon invité dans les nocturnes, demain soir sur RTL à partir de minuit. George Lang. 118-712, le numéro de référence pour trouver un plombier. 118-712. Appel facturé 50 centimes d'euros la minute, plus 2,19€ par communication, plus prix de l'appel, y compris durant la mise en relation. Grâce au prêt à consommer du Crédit Agricole à taux spécial Euro 2016, financez vos nouveaux équipements pour vivre la compétition à domicile. Ah bah voilà, c'est l'occasion de reparler du canapé. On avait dit la télé avant. Une belle télé, si on est mal assis, je vois pas l'intérêt. C'est pas faux. Télévision, meubles, déco, avec le Crédit Agricole, découvrez les prêts à consommer pour vivre l'UEFA Euro 2016 à domicile. Crédit Agricole, partenaire de l'Euro 2016. Offre réservée aux particuliers sous réserve d'acceptation par votre caisse régionale participante et prêteur, voire conditions et limites au contrat, vous disposez d'un délai de rétractation. C'est la holla des promos chez Intermarché. Les 6 Magnum classiques sont à seulement 2,52€ grâce à 30% de remise immédiate. Eh oui, 30% de remise immédiate. Intermarché, tous unis contre la vie chère. 74 grammes, 5,32€ le kilo jusqu'au 26 juin. Conditions et magasins participants sur intermarché.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Vous attendez d'avoir un problème de clim pour vous en occuper ? Eh bien, Agathe, non. Bah non, moi j'ai pris les devants. Voilà. Pour comprendre, revenons un peu en arrière. Là, Agathe est chez Noroto. Et éviter le coup de chaud, c'est facile avec Noroto. Le forfait entretien clim est à 49 euros. Et pour seulement 49 euros, vous êtes sûr de rouler au frais. Noroto. Modalité en centre et sur noroto.fr. Il est presque 17h38, on retrouve la bourse en direct avec les échos et investir. Bonsoir Sylvie Aubert. Bonsoir Virginie. Alors comme ça, les boursiers restent optimistes. Oui, ils sont optimistes. Alors il y a quelques temps, ils l'étaient encore plus parce que quand je suis descendue ici dans ma cabine, c'était plus 0,9 et là c'est plus 0,6. Mais enfin, on reste dans le vert, hein, 4367 quand même. Toujours dans un très faible volume de transactions, 1,8 milliard sur l'indice, milliard d'euros bien entendu sur l'indice, c'est pas beaucoup. D'habitude, c'est plus autour de 3 milliards, 4 milliards. Bon, alors on est très proche du référendum au Royaume-Uni. Les marchés ont toujours l'espoir que le camp du maintien dans l'Union sera le vainqueur. Cela dit, on a eu deux derniers sondages et ils étaient contradictoires. Donc il est très difficile de donner un pronostic. Sur le marché des changes, d'ailleurs, la livre a carrément effacé sa hausse de ce matin. Elle revient à 1,4703. Alors, d'un autre côté, les boursiers ont apprécié le discours de Janet Yellen, la présidente de la réserve fédérale américaine, s'exprimer devant le Sénat américain. Elle a répété qu'elle allait faire preuve de prudence en matière de politique monétaire et ça, ça a plu. En Europe, l'indice ZEW allemand qui mesure le sentiment des investisseurs sur l'économie allemande a atteint son meilleur niveau en juin depuis presque un an. Donc ça également, c'était plutôt une bonne nouvelle. Alors du côté des valeurs, c'est Bouygues qui se distingue, plus 2%. Le Kepler Chevreux est passé à l'achat de la valeur. Airbus gagne encore 2% et ça porte à 7% ses gains sur deux séances. Et à l'inverse, on a des prises de bénéfices sur Vallourec, moins 4%. Virginie, à demain. À demain, Sylvie. RTL, première radio de France. Chaud, chaud, chaud, chaud, chaud. Il fait chaud chez les grosses têtes cet après-midi. Une citation pour Maurice Grumet, qui habite Roquebrune-sur-Argent, qui a dit « Moi j'aime bien le porno, ce ne sont finalement que de belles histoires romantiques dont on a enlevé les passages les plus ennuyeux. Là-dessous. » Chantal là-dessous. Ce n'est pas Chantal là-dessous. C'est joli ça. Un humoriste. Un humoriste. C'est Woody Allen, non ? Ce n'est pas Woody Allen. C'est un américain. C'est un peu notre Woody Allen à nous, vous voyez. Ah. Mort. Des proches. Mort. Des proches. Célèbre grosse tête. Ah, Yann. Jacques Martin. Jean-Yann. Bonne réponse de Bernard Mabie, évidemment c'est Jean-Yann. Une autre citation pour Romain Rouillet qui habite Marie-sur-Marne, qui a dit « En France, il y a quand même moins de racistes que d'étrangers. » Monsieur. C'est génial. C'est génial. Bedos, non. Humoriste aussi. Humoriste. Des proches. Des proches, non. Proust. N'en est pas loin parce que c'est quelqu'un qui est parti à peu près. Coluche. Métayer. Évidemment, Coluche. Bonne réponse de Titoff. Ah, allez, bien. On va compliquer un peu les citations maintenant avec celle-ci. C'est quelqu'un qu'on n'a jamais cité aux grosses têtes et ce sera pour monsieur Jean-Pascal Casanova qui habite Villefranche de l'Oragais. C'est en Haute-Garonne qui a dit « Pour quelles raisons les pizzas sont-elles toujours livrées dans des boîtes carrées ?» Ah, c'est mon cousin, c'est mon cousin. C'est assez drôle, je trouve. Oui. Parce que c'est vrai que c'est très con, elles sont toujours rondes. C'est un Français. Ce n'est pas un Français. Il y a une réponse à la question. C'est un Américain. Humoriste. Humoriste. Steven Wright. Non. Chris Rock. Chris Rock, non. Seinfeld. Seinfeld, non. Eddie Murphy. Mais c'est quelqu'un qui a produit Seinfeld. Ah, il a produit Woody Allen. Woody Allen, non. Ah, non, on l'a déjà cité. Quelqu'un qu'on n'a jamais cité. Il y avait un light show après. Alors, il a après eu un light carrière. Show. Il a effectivement été auteur pour le Saturday Night Live. Jay Leno, non. Ah, il produit plein de films. Il a été le maître d'œuvre de Seinfeld. Ah, c'est vrai merde. Je profite de la présence de Baptiste Le Caplain et Titoff, qui sont quand même les pros du stand-up. Oui. Ah, ce gentil pour nous. Judd Apatow. Judd Apatow, non. Non. Vous connaissez les Américains, vous, Bernard Mabille ? Bah oui, Nixon. Il est mort. Il est assez âgé. Roosevelt, Nixon. Non, il vit encore. Il est né en 47 à New York. Il a pris sa retraite de Late Show, c'est acteur, ça ? Acteur. Non, mais il présentait pas. Acteur, réalisateur, producteur de cinéma, de télévision, scénariste. Jerry Lewis. Gary Carson. Non, mais c'est bien, mais ce n'est pas ça. Buffalo Bill. Bah, je vous donne des trucs de mon âge. Et il a aussi fait le scénario d'une série qui portait d'ailleurs son prénom. Ah. Avec son nombril, je vous aide un peu. Oui, oui, il joue un psychanalyste. Exact. C'est Billy Crystal. Ce n'est pas Billy Crystal. Non. Et il joue effectivement un psychanalyste régulièrement. Ouais, il est super. Ah, c'est pas vrai. Larry something. Ah. Larry. Exact. Oui. Non, Larry quelque chose, elle est en train de dire. Pas Larry Clark. Larry Clark, non. Larry King. Non. Non. Mais c'est bien Larry. Oui, c'est ça. Et c'est pas Larry King. Larry Co. Non. Larry Boisière aussi. Oui. Larry. La rigolade. La rirette, la rirette. Comment non, Larry Goldman. Il a réalisé Sour Grapes en 1998. Larry Goodman. Il a obtenu un Emmy Awards en 93 pour la meilleure série comique pour la série Seinfeld en tant que producteur et scénariste. Et c'est bien lui qui a dit « Mais pour quelle raison les pizzas sont-elles toujours livrées dans des boîtes carrées ?» Il vous reste 30 secondes. Là, pendant les dernières primaires pour les Républicains et les Démocrates, c'est lui qui jouait le rôle de Bernie Sanders. Parce que comme il est assez âgé, dans les Late Show, on lui faisait jouer en tant qu'acteur le candidat des Démocrates qui s'opposait à Hillary Clinton. Et il s'appelle Larry. Et c'était Larry David. Larry David, on ne l'avait jamais cité aux grosses têtes, Larry David, mais c'est vrai que si j'ai choisi de le citer aujourd'hui, c'est parce que je trouvais ça drôle, l'histoire des boîtes de pizza qui sont toujours carrées alors que les pizzas sont rondes, tout le monde l'aura remarqué, et puis ça vous permettra de retenir son nom, Larry David. Méfiez-vous, il peut ressortir. Les grosses têtes sur RTL. Dans la vie, Claire a beaucoup de mal à contenir sa joie. Surtout quand arrivent les soldes. Demain, c'est les soldes chez Auchan. Et oui, dès demain chez Auchan, les soldes, c'est jusqu'à 70% de réduction sur des vêtements et chaussures hommes, femmes, enfants, bébés, mais aussi sur de la déco de la maison, de l'électroménager et sur des produits high-tech. Et les soldes, c'est aussi sur Auchan.fr. Auchan, la vie que j'aime. Sur les produits signalés, dans la limite des stocks disponibles. J'en ai marre de notre salle de bain. Pff, et la cuisine. Si on changeait tout. Ouais, sauf qu'on n'a pas encore gagné au loto. Pas besoin, regarde ce que j'ai trouvé. Peinture rénovation de V33. Élu produit de l'année 2016. Sans sous-couche et sans décapage. Alors, prêt pour changer de décor en un coup de pinceau avec V33 ? Si la gamme de peinture rénovation V33 est élue produit de l'année 2016, c'est qu'elle l'a bien mérité. Disney et Pixar présentent... Dory ! Ah oui, Dory. La star du monde de Nemo est de retour. Mais pourquoi déjà ? Je cherchais quelque chose. Enfin, je crois. Ah, et le film, c'est quoi ? Dory ! Ah yes, et ça sort... On va pas y passer la journée. Le monde de Dory, c'est un film génial et magique qui sort le 22 juin au cinéma. Alors faut y aller, mais pour aller voir quoi ? Le monde de Dory, le 22 juin au cinéma ! Avec RTL. Et voici venu le temps des vacances. Après un an de labeur, les Français savourent enfin un repos bien mérité. Cet été, près de 60% des Français ne partiront pas en vacances. Pour célébrer les 80 ans des congés payés, Campéol défend le droit des vacances pour tous. Réservez votre séjour avant le 1er août. Campéol offrira un séjour équivalent à une famille suivie par le Secours Populaire ou Avenir Social. Campéol, plus de 80 destinations d'exception à découvrir sur campéol.com ou en composant gratuitement le 3004. L'esprit du camping, c'est Campéol. MAF Assurance, bonjour. Oui, je voudrais confirmation d'un bruit un peu fou qui court en ce moment. Je vous écoute. Imaginez-vous qu'on dit que la MAF offre 2 mois gratuits pour mon nouveau contrat auto, souscrit avant le 24 juillet 2016. Vous vous rendez compte ? Bah c'est vrai. Vrai ? 2 mois gratuits ? C'est ça, pour votre nouveau contrat auto ou moto souscrit avant le 24 juillet 2016. 2 mois gratuits, Miss MAF, vous êtes impayable. C'est la MAF. Conditions sur MAF.fr et dans les agences MAF. Bien caché dans sa loge, voici celui ou celle que les grosses têtes redoutent. RTL. Devinez qui est l'invité mystère. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Et vous, aviez-vous déjà entendu parler de Larry David, par exemple ? Non. Non. Voilà, c'est honnête au moins de le dire. Maintenant, ce sont mes grosses têtes qui vont vous poser des tas de questions pour tenter de vous identifier. C'est parti. Vous intéressez à la culture américaine ? Pas plus que ça. Pas plus que ça. On peut demander si c'est un homme ou une femme. Oui, bien sûr. Vous aimez les pizzas ? Non. Ah, c'est une femme. Un homme ou une femme ? Un homme. Vous ne mangez pas de pizza, vous faites attention à vous ? Vous êtes végétarien ? Ah non. Non, du tout, non. Est-ce que vous êtes célibataire ? Non. Tant pis pour vous, Ariel. Avez-vous des enfants ? Oui. On connaît votre épouse ? J'en sais sais rien. Eh, non, la question c'est, elle n'est pas célèbre, votre épouse. Un peu. Bernard Mabie propose Jean-Pierre Bacri. Êtes-vous Jean-Pierre Bacri? Non. Ah oui, le côté un peu... Oui, il n'est pas aimable, quoi. Il rappelle un peu Bacri. C'est gentil pour notre invité. Bah, il n'est pas aimable, quand même. Non, je ne suis pas aimable. Voilà, je vous le disais. Si, il est plutôt aimable, mais il a un ton bien à lui, oui. C'est vrai, qui est reconnaissable. Chantal Latsou pense à Garou. Êtes-vous Garou? J'ai la voix de Garou, là. Mais non, je ne suis pas Garou. Bernard Mabie propose Jean-Pierre Darroussin. Êtes-vous Jean-Pierre Darroussin? Non plus. Mais est-ce que vous avez déjà fait partie d'une troupe? De théâtre, oui. D'accord. Mais vous ne la connaissez pas. Ah. Pourquoi on ne la connaît pas? Il n'y avait pas de spectateurs? Parce que c'était il y a longtemps et que la troupe est dissoute et qu'il n'y avait pas de spectateurs. Et qui jouait au Sexodrome? Non. Est-ce qu'il vous arrive de chanter sur scène? Oh non. Oh non. Non. Non. Voici un premier indice musical. Ah, merci. Ça, c'est un bon indice pour vous mettre sur la piste de notre invité mystère. Je ne sais pas si ça vous aidait. Pas du tout. Il n'est pas facile, l'indice. Hein, c'est une musique d'un film, ça. C'est la musique d'un film. Ouais. Vous avez écrit la musique d'un film? Non, du tout, du tout. Non, vous avez joué dans un film? Oui. Dans plus d'un, même. Dans plus d'un. Donc vous êtes acteur. Est-ce que vous avez joué dans un film qui a été adapté après dans une version américaine? Non. Je pense à quoi? Equinox. Est-ce que vous avez joué dans ou alors vous avez fait l'inverse, vous avez joué dans un remake américain, enfin un remake d'un film américain? Je crois pas. Non, vous croyez pas. Chantal Latsou pense à Bruno ou Denis, lequel? Oui, l'un des deux. Podalides. Non plus. Ah. Est-ce que vous faites des caméos de temps en temps? Ah oui, ça m'est arrivé plein de fois. Oui. Voici un deuxième indice. Je suis le fils de l'homme invisible. Je n'ai jamais vu papa. Je suis le fils de la femme invisible. Je n'ai jamais vu maman. Ça, pour qui connaît évidemment votre CV, c'est un bon indice, invité Est-ce mystère. Est-ce que vous êtes dans le prochain Lelouch? Non, je ne pouvais pas. Je n'étais pas libre, mais j'avais dit oui. Est-ce que vous avez joué dans Fantomas? Mais je serais mort si j'avais joué. Oh, c'est pas gentil pour, c'est pas gentil pour Mylène de Mongeau. Non, excusez-moi, pardon. Ah oui, c'est vrai, il y a Mylène de Mongeau. Non, non, je suis pas non. Non, mais je suis fils de l'homme invisible. Ah, qu'est-ce qu'elle est maline? Mais ça n'a rien à voir. Est-ce vous avez joué l'homme invisible? Non, non. Voici un autre indice. Ne le dis à personne. Ne le dis à personne. Bernard Mabie propose maintenant, grâce à cet indice évidemment, François Cluzet. Ah, c'est pas ça. Alors. Êtes-vous François Cluzet? Non. Non plus. Non plus. Mais on se rapproche, évidemment. Ah, bah oui, alors c'est l'autre. Baptiste Le Caplain est le premier à vous avoir identifié. Bravo, Baptiste. Je suis fan. Tandis que Chantal Latsou propose Claude Brasseur. Pourquoi Claude Brasseur, Chantal? Mais j'en sais rien, en fait. Il vous arrive de réaliser? Non. Non. Titoff propose Guillaume Canet, mais non, vous n'êtes pas Guillaume Canet, puisqu'effectivement, il n'est pas réalisateur, tout comme Christophe Willem avait pensé, lui, à Robin Renucci. Pourquoi Robin Renucci? Non, c'est pas moi, c'était Guillaume Canet aussi. Ah oui, Chantal, Robin Renucci, non, ce n'est pas Robin Renucci. Voici un autre indice. Ma petite entreprise connaît pas la crise. Panoui et l'exil, des trésors satinés. Ah ben voilà, ça y est, ils sont deux. Grâce à cet indice, Bernard Mabie vous a identifié, lui aussi. Tant pis pour Christophe Willem, Chantal Latsou. Il y avait cette musique dans un film avec Ariel. Eh oui. Deux papas et la maman. Titoff n'a pas trouvé non plus. Ouais. Ariel Dombal non plus. Ariel devrait savoir, pourtant. Ah. Oui. Non, ça me dit rien. Non, ma petite entreprise. Est-ce que vous avez connu Coccolina Petite? Alors, je vais demander à Bernard Mabie et Baptiste de Caplain d'annoncer le nom de notre invité mystère. C'est François Berléand. François Berléand, évidemment. Les grosses têtes sur RTL. France 2. Salut, c'est Garou. Salut, c'est Amanda Scott. Nous serons place du Capitole à Toulouse pour la fête de la musique ce soir à 20h55 en direct sur France 2. Et retrouvez en live Christophe Maé, Pascal Obispo, Kenji Girac, Jane, Vianney, Selassou, iPhone et bien d'autres. La fête de la musique, c'est sur France 2 avec RTL. Bon plan, entretien auto. Euro répare car service, il y en a forcément un à côté de chez vous. Ah, moi, pour les vacances, tout est prêt. Enfin, sauf ma voiture. Alors là, je te donne un bon plan. Chez Eurorépar Car Service, ils ont des forfaits à partir de 59 euros pour toutes les marques. 59 euros ? Oui, oui. Vidange, freinage, clim, c'est toute l'année à partir de 59 euros. Et en plus, je vais te dire, le service est top. Eurorépar Car Service, l'entretien auto toute marque. Rendez-vous et devis en ligne sur eurorépar.fr. Réservé aux particuliers, conditions sur eurorépar.fr. Les grosses têtes et Laurent Ruquier vont bientôt nous dire au revoir et ensuite à 18h sur RTL, place à RTL Soir et à Marc-Olivier Fogiel qui vous présentera toute l'actualité de cette journée en compagnie de ses invités Nicolas Hulot pour parler de la pollution qui est la troisième cause de mortalité en France et puis deuxième invité, Michou sera dans RTL Soir car il a fêté ses 85 ans hier et ses 60 ans de cabaret mais les grosses têtes ne sont pas tout à fait finies d'ailleurs. C'est avec leur invité mystère qu'on les retrouve. François Berléand était bien notre invité mystère. Et il a une grosse actualité, François Berléand. D'abord, vous le retrouverez le 28 juin prochain à 20h45 en direct du théâtre Édouard VII sur France 2 pour donc la retransmission d'une pièce qui s'appelle Du vent dans les branches de Sassafras. Ah ouais. C'est un classique hein, d'ailleurs du théâtre. Oui, oui, tout à fait. Oui. Michel Simon. Voilà, tout à fait. Michel Simon l'a joué. Et Jean Marais après. Après, oui. Ah ouais. Une pièce d'Obaldia. Et vous la jouez cette pièce, il faut le dire, avec un joli casting en direct sur France 2 mardi 28 juin à 20h55, mis en scène par Bernard Murat, à vos côtés Anne Benoît, Lionel Abelanski, Urbain Cancelier, François Vincent Telly, Stéphie Selma, Rachel Arditi et Valentin de Carbonnière. Du vent dans les branches de Sassafras, c'est quoi ? Eh ben c'est la seule pièce western de toute l'histoire du théâtre français. Je crois même du théâtre mondial, parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de western adaptés au théâtre. Et c'est l'histoire des Rockefeller, mais avant d'être riches. Donc en fin de compte, ils sont très pauvres. Et ils sont plutôt bas de gamme comme personnes, sont des rapports incestueux entre les uns les autres. Donc voilà, c'est une famille lambda américaine, mais de l'ouest du Pecos. Donc vous êtes un Rockefeller, vous êtes le papa voilà, Rockefeller. Je suis le papa Rockefeller, oui. Et alors, donc c'est sur France 2, mardi 28 juin à 20h55. Et il faut savoir que dans la foulée, on en saura un peu plus sur vous, puisqu'après la pièce en direct, il y aura un documentaire. On entendra la voix de Marie Drucker, mais c'est Arnaud Poivre d'Arvor qui a lancé cette série. Un documentaire qui s'appelle Retour aux sources. C'est adapté d'ailleurs d'une émission étrangère qui cartonne où on propose aux personnalités d'aller sur le chemin de leur enfance, de leur adolescence, sur ceux de leurs parents et leurs grands-parents. Voilà, absolument. De leurs ancêtres, parce que c'est, moi, pas du tout sur mon adolescence ni ma jeunesse, c'est sur vraiment les traces de mon grand-père, parce que j'ai choisi d'essayer de retrouver des traces, oui, du grand-père. Donc jusqu'en Russie. On n'avait pas grand-chose. Oui, jusqu'en Russie, enfin en Bessarabie, enfin Moldavie maintenant. En Odessa aussi en Ukraine et vous avez appris des choses beaucoup. J'ai appris des choses absolument extraordinaires. C'était enfin pour moi ça a été un chemin absolument bouleversant. C'est une émission absolument extraordinaire. On a réussi à apprendre des choses incroyables sur le Moïse Berléand puisqu'il s'appelait Moïse. Voilà, moi je savais qu'il s'appelait Michel et du coup j'ai appris qu'il s'appelait Moïse, donc c'est particulier quand même. Donc on part des origines généalogiques de François Berléand et on fait tout un parcours à la fois historique et géographique, oui, puisque c'est remis dans le contexte de l'époque aussi. Ça s'appelle Retour aux sources, c'est à 22h50, mardi 28 juin, après la retransmission en direct du théâtre Édouard VII de la pièce Du vent dans les branches de Sassafras. On peut dire une soirée Berléand sur France 2, mardi 28 juin. Et puis évidemment, vous allez partir en tournée avec Momo, ce sera avec Muriel Robin, même si elle a arrêté à Paris. Elle a arrêté à Paris, oui. Donc la tournée reprendra à partir de janvier 2017, la tournée de Momo. Mais en septembre, avant la tournée de Momo, vous serez au théâtre, cette fois à l'affiche, et ce ne sera pas diffusé à la télévision, à l'affiche du théâtre Montparnasse, dans une pièce qui s'appelle Moi et François B. Alors normalement c'était Moi et Berléand, j'ai trouvé que c'était un peu too much, donc j'ai demandé à ce que ce soit Moi et François B. Parce que vous jouez quand même votre propre rôle. Voilà, je joue moi qui connais la pièce qu'il est lue, vous jouez votre propre rôle. Voilà, absolument. C'est un kidnapping mental, la pièce est très très drôle, et c'est un kidnapping mental, un auteur qui kidnappe un acteur pour qu'il joue sa pièce. Quand on sait en plus que c'est Sébastien Castro, qui est toujours très drôle sur scène, super. Qui joue le kidnappeur, et c'est François Berléand qui joue François Berléand, bon, ça, c'est mieux hein, dans ces cas-là. L'auteur, c'est Clément Gaillet, auteur de la pièce, et c'est Stéphane Hillel qui met en scène Moi et François B. Ce sera au Montparnasse à partir du 13 septembre, précisément. Un mot d'explication sur les indices, quand même. Oui. Bravo à Baptiste Le Caplin qui a été le premier à identifier Berléand grâce à... Ne le dis à personne, vous évidemment. Jouiez le rôle du commissaire. Oui. Voilà, oui, mais le film où j'ai moi adoré François, je lui avais dit qu'il avait été président d'un festival d'humour que j'avais remporté, donc merci encore. Et il est dans le premier film de Guillaume Canet, dans Mon Idole, c'est une référence pour plein d'humoristes parce qu'il est d'une drôlerie extraordinaire avec des ruptures et tout. Il joue un personnage très cynique. Il faut vraiment voir ce film Mon Idole. Il est extraordinaire dedans, François. C'était Berléand. Déjà un film avec Guillaume Canet. Ouais, de Guillaume Canet. Ne le dis à personne. C'était un des indices. On a entendu aussi et ça a aidé Bernard Mabille. Ma petite entreprise d'Alain Bachung. Eh oui, le film de Pierre Jolivet, c'était avec Vincent Lindon aussi, ça, non? Je me trompe. Absolument. Avec Vincent Lindon. Roche Dizem, oui. Et puis le première chanson qu'on a pu entendre. Ça, c'est quoi, ouais? C'est le transporteur. Ah oui, voilà, c'est ça. D'accord. Ah, c'est le transporteur. Donc, justement, j'ai pas. Oui, c'est trois transporteurs, quand même. Trois transporteurs. Et puis aussi, quand même, Le Fils de l'homme invisible, c'était une référence, évidemment, au livre que vous aviez écrit, qui s'appelait, justement, je vous donnais vraiment le titre du livre, Le Fils de l'homme invisible. Ariel, enfin. Ben oui, ça, c'est en plus, maintenant qu'on sait que votre père a été invisible et que vous avez retrouvé votre grand-père, c'est merveilleux. Voilà. Quelle saga. Retenez deux dates pour François Berléand à la rentrée le 13 septembre au Théâtre Montparnasse. Une pièce qui vous amusera beaucoup. Intéressante aussi psychologiquement. Moi et François B. Ça, c'est au Montparnasse à partir du 13 septembre. Et puis là, mardi 28 juin prochain, une soirée Berléand avec d'abord une pièce en direct retransmise sur France 2, puis ensuite un documentaire sur, on va dire, les ancêtres de François Berléand. Ça s'appelle Retour aux sources. Merci d'être venu aux grosses têtes. Mais j'aurais dire que... La pièce Les vents dans les branches de César, c'est une pièce absolument, mais irrésistiblement drôle. Voilà. Donc vous rirez à partir de 20h55 en direct, mardi 28 juin sur France 2. Merci François Berléand, à demain 16h pour d'autres grosses têtes. Bonne route avec Top Garage, 800 professionnels pour l'entretien de votre auto avec la garantie constructeur préservée. RTL, il est 18h. RTL Soir, Marc-Olivier Fogiel. Bonsoir, heureux de vous retrouver pour 2 heures d'infos. Et à la une, Fabienne Cabou a déposé sa petite fille sur la plage de Berck, comme elle est allée faire une course. Ce sont les propres mots de cette mère infanticide au deuxième jour de son procès. Un récit glaçant de ce 19 novembre 2013, où elle a pris le train avec sa petite Adélaïde de 15 mois, l'a déposée dans la soirée sur la plage, a vu la marée monter et revenu à l'hôtel avant de rejoindre Paris le lendemain. Alors dans RTL Soir, nous allons rejoindre Cindy Hubert qui suit les audiences pour RTL à Saint-Omer et qui nous racontera donc cette journée particulière. Le 18h, Isabelle Choquet. RTL Soir. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Marc-Olivier, bonsoir à tous. Les autres titres de l'actualité. Les syndicats refusent d'être parqués dans une sorte de fan zone revendicative jeudi à Paris. Ils rejettent la demande des autorités d'organiser un rassemblement statique. La préfecture va-t-elle céder? Tout se joue en ce moment. Les policiers, eux, demandent le report de cette manifestation contre la loi travail. Ils ont obtenu des moyens de défense supplémentaires. Dans le même temps, on apprend que l'étudiant blessé à Rennes en avril a été victime d'un gomme-cogne. À suivre également la santé des étudiants. Ils sont stressés, ils dorment mal et fait préoccupant. Il se protège moins bien contre le sida. J-2 pour le référendum sur le Brexit. Une sortie de l'Angleterre de l'Union aurait des conséquences aussi dans le monde du foot, vous allez l'entendre. Le foot ce soir, c'est Ukraine-Pologne et Irlande du Nord-Allemagne, match qui intéresse beaucoup les Français. La Bourse de Paris, elle termine en hausse de 0,61% à 4 367 points. Les courses à Dieppe, il fallait jouer le 8, le 14, le 7, le 11 et le 2. Et à la fin du journal, la question qui vous permet de comprendre l'actualité, ne vous fiez pas aux apparences. Voilà l'été, mais au juste 21-20 juin, ça commence quand l'été? En fait, ça dépend du solstice. Alors, leçon de Science Nat tout à l'heure. Dans la foulée, la pollution tue 48 000 personnes chaque année en France. Premier invité de RTL Soir, Nicolas Hulot va-t-il porter ce sujet pour la présidentielle? Puis direction les coulisses de l'actualité, on va vous raconter comment le gouvernement et les syndicats négocient cette manif de jeudi. On vous dit toutes ces conversations secrètes, donc pour trouver un compromis. 18h30 justement, Alain Duhamel, l'imbroglio de cette manif. 18h35, depuis 60 ans, il règne sur la nuit parisienne. Hier, Michou fêtait ses 85 ans en compagnie de Delon, de Belmondo, l'éternel homme en bleu, sabre le champagne tout à l'heure avec nous sur RTL. 18h50, Laurent Gérard. Après 19h, on refera le monde. Bonsoir Patricia Charbonnier. Bonsoir. Allez, demain, premier coup de chaleur de l'été. Oui, une belle, une vraie journée d'été avec du soleil sur une bonne partie du pays. Encore un petit peu de grisaille sous forme de nuages bas demain matin au nord de la Seine et dans le nord-est. Mais dans l'après-midi, le soleil s'imposera, sauf sur un petit quart nord-ouest. Nous aurons un ciel plus nuageux et quelques averses dès le matin sur la Bretagne, la Vendée, la Normandie. Et des orages, attention, parfois forts demain après-midi et surtout demain soir. Sur le quart nord-ouest, encore une fois, des orages accompagnés de grêle. Les températures de 13 à 19 pour demain matin et de 22 à 35 pour demain après-midi. 35, 35 à Bordeaux, 32 à Lyon, 30 degrés à Paris comme à Marseille et 27 à Lille. Merci Patricia Charbonnier, à tout à l'heure. RTL Soir. Et c'est un récit donc glaçant qu'a livré Fabienne Cabou au deuxième jour de son procès devant les assises du Pas-de-Calais. Le récit donc de l'assassinat de son bébé Isabelle. Oui, cette femme de 39 ans, élégante et brillante, est jugée depuis hier pour avoir abandonné sa petite fille de 15 mois sur la plage de Berck-sur-Mer à marée montante. Un acte prémédité. Elle avait pris le train depuis Paris pour accomplir ce geste. Cindy Hubert, vous suivez l'audience pour RTL. Bonsoir. Détail effarant, juste avant de la conduire à la mort, Fabienne Cabou avait donné le sein à son enfant. Oui, Fabienne Cabou a guetté la nuit noire. Elle a pris son enfant dans les bras, puis elle l'a bercé avant de le déposer sur le sable à quelques mètres de l'écume. Adélaïde n'a pas pleuré, dit-elle. J'ai rebroussé chemin en courant et une fois à l'hôtel, j'ai dormi d'un sommeil de plomb. Sa voix veloutée se perd dans les aigus. Tout cela est dit froidement, du bout des lèvres, dans un rictus. L'effet est terrible sur la salle. Fabienne Cabou se débat dans le box. Elle répète qu'elle n'a jamais voulu se cacher. À la gare du Nord, elle s'est mise devant les caméras de surveillance. Dans le train, à l'aller et au retour, elle a discuté avec d'autres voyageurs. À l'hôtel de Berck-sur-Mer, Fabienne Cabou a même donné son nom. « J'ai semé des petits cailloux, dit-elle, pour qu'on me retrouve. » Mais quelques minutes plus tard, elle reconnaît qu'elle avait en tête un tout autre scénario, celui du corps emporté au large et qu'on n'aurait peut-être jamais retrouvé. Fabienne Cabou, qui rationalise tout, qui intellectualise tout, bute elle-même sur son geste incompréhensible. « J'ai lu des dizaines de livres sur l'infanticide. » En prison, il défriche, je ne me reconnus. Est-ce un signe, un indice de plus sur son état mental? La journée de demain sera cruciale. La cour doit entendre un collège d'experts psychiatres. À Saint-Omer, donc, pour RTL, avec des difficultés techniques, Cindy Hubert. L'affaire du Bugalet de Braise est définitivement close. La cour de cassation vient de valider le